plein de cash. Oh, ça pue sa mère. Flocast. Fleur Roberta. Bravo. Adrien Minier. Bravo, bravo. C'est très, très impressionnant. C'est toujours un spectacle de toute façon. Oui. Je buve encore un petit peu. Attention, non. Attends, mais j'ai peur. Non, mais attendez. Tu sens ce que j'ai là? C'est des chocottes, mon pote. Oh, t'es chocoté de baiser. Chocoté de baiser. Mais oui, parce que c'est l'épisode d'Halloween. Ouh, c'est spooky. Oh. Eh ben, c'est spooky. Ah, oh. Attends, j'ouvre la porte, y'a personne. Ouh. Un fantôme. Très tôt. Ouvre la porte, y'a la spooky dans le sas. Ah oui. Oui, oui, oui, oui, oui. Bon, oui, oui. On arrête là l'épisode. Ouais, c'est pas, fini pour nous. Au top. Alors, mais bonjour et bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode un petit peu particulier focus parce que c'est Halloween. Ouh. Ouais, ouais, bah ouais. Oh, ah, oui. Non. Oh, la porte s'est ouverte toute seule. Je croyais que c'était un chat. Non, non. Ah, je te jure, je croyais que c'était un chat. C'était hyper bien fait. Refais le chat. Non, bah j'ai pas fait le chat. Ah, pardon, refais la porte. Ah, bah oui, je croyais que c'était un chat un peu énervé, mais c'est vrai non, que c'est mieux. Un chat énervé. Est-ce que tu veux faire un chat énervé qui ouvre une porte? C'est pas mal cette porte. Elle souffle tout doucement. Je sais pas demander à ce qu'il parle, hein. Ouais, bah, mais je droit à la liberté artistique. Non, mais ou t'es spooky, pas surtout. Bah, c'est spooky, un chat, parle. Il est là, il fait salut, je te connais. Alors, comme à l'accoutumée, nous sommes tout de même accompagnés de deux invités. Notre première invitée est une sorcière des internets qui règne sur Instagram, YouTube et Twitch avec son grimoire d'humour. Mais oui, maîtresse des potions comiques. Elle ensorcelle ses abonnés. Si elle vous hérisse les cheveux sur vos têtes, c'est pour mieux vous les couper dans son salon de coiffure maudit. Et oui, c'est Mousse, c'est Natalia Gerchko. Oui, oui, c'est moi la sorcière du web. J'ai jette des sorts et des dislikes sur les vidéos. Personne reconnaît sa voix. Personne croit que c'est moi. La sorcière. Non, mais pour l'épisode spécial Halloween, j'ai décidé de perdre ma voix. C'est vrai, t'as hurlé j'ai dans un coussin. J'ai joué le jeu à fond. Je peux aussi être le grand-père des Simpsons. À un épisode près, t'étais totalement dans ouais, t'es bien. Le dernier épisode, j'ai. Bah, le prochain, prochain épisode, coup. Ouais. Il a beaucoup imité Homer Simpson, Adrien. Oh. J'ai imité tous les personnages. Vraiment, bon, c'est une. Ne tease pas trop le prochain épisode. Ouais. Non, c'est une vraie masterclass. Notre second invité, attention, est un réalisateur métamorphe. De jour, un réalisateur discret qui a coécrit et mis en scène le film Vermine, dispo partout en VOD et au cinéma. Si vous êtes sur Paris le 31 octobre, c'est Halloween, c'est spooky. Projection spéciale le 31 octobre au Pâté Convention. Eh oui, spooky, spooky. Mais à la nuit tombée et les soirs de pleine lune, il se transforme en un énorme rugbyman carré et violent capable de frapper un gosse qui le battrait à Mario Kart. J'ai la chance de partager le quotidien de ce lican en ce moment car on travaille sur le prochain volet de la saga Evil Dead. C'est Sébastien Vanitschek, oui. Ah, j'ai coupé la musique. Je suis quoi, je suis métamorphe. Ouais. Je suis parti sur un loup-garou. Lycanthrope du coup. Mais c'est dans Underworld où ils les appellent les licans. Et les... il faut souligner que Seb est venu malgré une terrible blessure au visage. Bien sûr. Et il s'est fait morte par un vampire. C'est spooky. Alors, tout est faux. C'est bien évidemment pour commencer notre espèce de fausse genèse autour des Evil Dead. Ouais. On commence à raconter des sales histoires, etc. C'est ça. On se met dans l'ambiance. On se crée un background. Mais moi, les métamorphes, je crois que c'était les trucs dans les livres. Quand on était enfant, où il se transformait en étoile de mer, là, tu sais, où il y avait un design qui était assez ouf. Et quand tu prenais vraiment le personnage c'est les au milieu, non voilà, c'est les ça. Les animorphes. Et quand ils sont, tu prends le personnage qui est au milieu, en cours de transformation, terrifiant. C'est à crever de rire. Ouais. C'est Eric Zemmour, souvent. Bah là, effectivement, j'en ai un devant les yeux d'un enfant qui se transforme en serpent. Vous prendrez celui du milieu. Voilà. Et il y en a avec une araignée qui est très très bien aussi parce qu'il doit choper 8 pattes, c'est assez fou. Oh, araignée, vermine ou quoi? Oh, mais je bien aimé. Spider-Man. C'est pas un film d'horreur, Spider-Man. Ah oui. Mais bien tenté. Non, mais c'est le surnom de Seb. C'est vrai. Vermine. Ah ouais? Et le bouffon vert, il te fait pas peur, toi. Oh, alors c'est spooky. Alors, juste, ouais. Je voulais dire aux auditeurs, aux auditrices, si ça vous énerve là, coupez l'épisode, on va faire ça tout l'épisode. Je vous le dis. Il faut rage quitter. Surtout que j'ai prévu un floodcast un peu autour un peu de Halloween, on autour va vraiment entendre les de Adrien pendant une heure et demie. Quoi. Non, mais par exemple, j'ai envie de vous raconter cette histoire de Rebecca, Rupert et Katharine, qui ont une relation assez particulière. À votre avis, en quoi est-elle plutôt insolite? Attends, ils ont le même nom de famille, t'as dit? Elles n'ont pas le même nom de famille, mais elles sont, les trois prénoms, c'est Rebecca, Rupert et Katharine, et ce ne sont pas des sorcières. Sachant qu'il y a Rupert qui est un garçon. Ils ont quel âge? Alors j'ai pas toutes les infos. Ados? Non non, c'est des adultes. C'est qui des font adultes. Du satanisme. Alors ils ne sont pas de satanisme. Du spiritisme. Attends, est-ce qu'il y en a un ou deux ou trois qui sont morts? Très bonne question, ouais. Adrien Méniel. L'un d'eux est décédé. L'un des trois, du coup. Et ils veulent le ramener Rupert. À la vie. Rupert est décédé. Elles sont toutes les deux mariées à un mec mort. Alors c'est pas exactement ça, mais t'es pas loin. C'est des plans cul juste. C'est... Bah on est un peu dedans. Ah, plans cul avec ah c'est un fantôme qui a baisé les deux. Alors non, ah. C'est pas non non. Non bah c'est beaucoup moins dégueulasse que ce que j'avais en tête. Non non. Est-ce qu'elles ont récupéré les cendres? Parce que je sais qu'on peut faire des diamants et des bijoux. Peut-être qu'elles ont récupéré les cendres pour en faire un sex toys. Non, très non, bonne idée. Oui. Qui est un peu une première idée. Je comprends que ce soit venu en tête. Non, mais est-ce que espèce elles de ont... malade est-ce de Nathalie. Post mortem, elles ont eu un enfant de lui parce qu'il avait il avait donné son sperme. Oh la vache, mais vous êtes dans des scénars de. Pour moi, c'est des concepts là, vraiment. Ouais. Je me c'est les spooky. Note. Non, mais en plus, je crois qu'on l'avait eu. On avait eu un truc comme ça. Raid, non, c'est un peu plus terre à terre. Je suis un peu. Vous allez être un peu déçus. Elles l'ont tué. Non, non. De leur alors, propre je suis, main. Je suis pas parti dans. Alors ça, c'est un vrai débat d'ailleurs. Moi, j'adore les films d'horreur et tout, mais tous les trucs de tueurs en série, et tout, ça me met un peu mal, par exemple. Bah, quand tu c'est vois. Potentiellement vrai, tu veux dire. Oui. Oui. Les je comprends. Les true crime, les trucs comme ça. Ah, par exemple, les gens qui se déguisent en Jeffrey Dahmer, je trouve ça terrorisant. Oui, mais ça, c'est rendre ultra sexy des tueurs en série. Ça devient problématique quoi. Mais c'est vrai, c'est je suis allé voir Bill Burr hier en spectacle, et il a une blague là-dessus où ils disent pourquoi sur Netflix ils rendent les tueurs en série si beaux, parce que si tu regardes Jeffrey Dahmer, il était pas si beau que ça. Il est beau pour un tueur en série, mais il est pas si beau que ça, tu vois. Pour un tueur en série, il est... J'en connais quelques-uns, ils sont dégueulasses. Ouais, la plupart du temps, ils sont immondes, les tueurs en série. Ah, pas tous, hein. Ah ouais? Bah, Ted Bundy, c'était un peu le beau gosse des tueurs en série. Ah ouais. Et t'avais aussi, comment il s'appelle? Emile Louis, pas mal. Non, mais il y avait Menendez, je crois que... Les frères, ils sont sur Netflix en ce moment. C'est alors, ça c'est pas ça, non. J'ai commencé non, ce matin à regarder, tu vois. C'est bien ça ou pas? Bah c'est pas mal hein. Ouais, j'ai je pas, m'étais j'ai dit pas je vais regarder comme ça vite fait. Et en fait j'ai un peu accroché. T'es dedans? Mais c'est Clara qui m'a dit de regarder, tiens. Je crois qu'elle est à fond dedans. Mais il paraît qu'ils sont justement... Il y a une trend où ils sont vachement glamourisés. Mais oui, sur, ils sont très beaux dans la série. Non mais sur TikTok il y a plein trop de gens stylé, qui, les gars. Qui font des montages d'eux Bon alors vous êtes pas loin. J'ai envie de vous donner la réponse. Alors je sais que c'est un peu rapide, mais je... Il y a un... Je vais vous dire un petit indice. Le fantôme et une des meufs sont en couple. Et malheureusement... Ah, le fantôme a trompé. Alors, c'est mais pas non. ça, mais pas loin. Ah, attends. La meuf, elle a trompé ils le fantôme avec... Ils sont en union libre. Exactement. Ah, et du coup, ils sont devenus... En fait, vous avez tous les deux raison. Un trouple. Bah, pas vraiment un trouple, parce que la deuxième meuf... Ils sont polyamoureux. C'est ça. La meuf est polyamoureuse avec un fantôme et un mec. Putain. Parce que la deuxième meuf n'est pas spécialement amoureuse du fantôme. Alors, en couple dans la vie réelle avec Katharine, Rebecca Carmichael est aussi en couple avec Rupert, qui est le fantôme. Alors, pas n'importe quel fantôme, c'est le fantôme d'un soldat ayant vécu dans les années 1700. Bien sûr. Il est OK, le fantôme. Bah, on a son témoignage parce que... C'est là où j'aimerais quand même saluer Rupert le fantôme, parce que pour un mec ayant vécu dans les années 1700, il est... plus que nous. Ouais, non, puis il est assez ouvert sur les nouvelles modes et coutumes, tu vois, enfin les nouveaux concepts amoureux. Ouais, généralement, quand il s'agit de baiser, les mecs sont très très. Surtout chez les fantômes. Oui, non, mais moi j'ai toujours été très ouvert. Surtout chez les fantômes. Hein. Ouais, mais un mec de 1700, pas jaloux, stylé quand même. Ouais, bah, j'espère qu'il va pas les ghoster par contre. Oh, oh là, là, allez, spooky allez. Non, j'ai perdu ma voix, mais pas mes blagues. Hein. Alors. Dans son chapeau pointu, elle a fait apparaître une blague. Attends, parce que quand t'as dit spooky, t'as monté le potard, il s'est rien passé. Ah, ouais, et ça, ils l'ont pas eu, c'est vraiment dommage. C'est triste, je le garderai. Spooky. Ouais, j'ai oublié, j'ai coupé la musique. L'image était. Ouvert sur leur relation non conventionnelle, le couple formé par Rebecca et Katharine s'est aussi confié au journal Mirror. Rebecca est guide pour esprit professionnel. Donc déjà, elle est un peu dans le... Ah ouais, voilà, elle est pro, d'accord. Ouais. Donc on sait que c'est vrai. Alors, vous inquiétez pas. On va parler un peu de surnaturel dans cet épisode. Adrien croit à tout, sachez-le. Donc Adrien, ouais, on le connaît. Il est à 100%, ok. Moi, il va pas essayer de débunker quoi que ce soit. Non, mais là, c'est Spooky Season. Attends. Non, mais... Et elle est pro. Voilà. Non, mais donc, c'est carré, quoi. Donc, effectivement, avec donc Rupert, qui a quand même plus de 300 ans, Rebecca avait été suivie jusqu'à son domicile par un fantôme. Peu de temps après cette rencontre nocturne, la jeune femme... Un autre truc apparemment chez les hommes, c'est que même après leur mort, ils suivent les femmes dans la rue. Quoi. Ouais, ouais. Rapidement, entre eux, des sentiments inattendus se développent. Rebecca et Rupert finissent par se mettre en couple, bien qu'ils évoluent sur des plans différents. Oh, c'est trop mignon. Rapport au fait qu'il y en a un qui est décédé et pas l'autre. Donc le message, c'est s'il y a un mec qui te suit chez toi, mets-toi en couple avec. Si c'est un fantôme, papa. Ouais, c'est un fantôme. Ouais, quand même. Non mais attends, le message est pas ouf. Il, non, a, mais il, a, bran... il a branché. Il a... Attendez, calmez-vous. Notol Ghost, t'as raison. Mais oui. Il a dit, eh, ouais, je suis un fantôme. Mais alors, ma petite pépé. C'est... Alors, c'est... pardon, c'est un fantôme d'Aznavour ou de Gabin? C'est un peu les deux. Et un petit peu de Yves Montand Malfait. Ouh, je vais te dire, je suis un petit fantôme. Ouh, j'ai fait la guerre, moi. Dis-moi. Je suis un petit fantôme. Attends, t'as dit où ça s'était passé? C'est aux États-Unis. Ah, c'est aux États-Unis, donc 1700 aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, oui, face à ce nouvel. Alors, mais peu de temps après, Rebecca fait la connaissance de Katharine, qui est, elle, une jeune femme bien vivante, dont elle tombe aussi amoureuse. Aïe, aïe, aïe, les problèmes. Aïe, aïe, les problèmes. Une comédie romantique. Ah, mais là, pas là, ouf, un mais. Concept, ouais. Un concept extraordinaire. Là, face à ce nouvel amour, Rebecca affirme avoir fait preuve de franchise, confiant à Rupert qu'elle avait rencontré quelqu'un dans le monde des vivants. Elle indique également à Catherine qu'elle a une relation spirituelle avec un autre. Selon elle, il n'y a pas de jalousie possible, Catherine respectant le lien que Rebecca et Rupert ont développé. C'est grâce à leur énergie respective que Rebecca est en mesure de se connecter à Rupert. Il reconnaît que je suis ici, dans le physique, ça j'ai besoin de vivre une vie ici, dans mon présent. Donc Rupert est. Non, il est cool. Grave cool, tu vois. Enfin, il est grave cool, et en même temps, bon. Pas le choix, trop. Il a pas trop d'occases, j'imagine. Ah ouais, je sais pas. Il pourrait secouer les chaises. Non, je dis, il a pas trop d'occases de baiser, quoi. Ah ouais. Donc il a fait, bon, bah oui, je vais pas abandonner le seul plan que j'ai, quoi. De baiser une vivante, il peut peut-être baiser des fantômes. C'est vrai, on sait pas comment ça se passe. Franchement, je pense qu'il y a plus de choix chez les fantômes que chez les vivants, en plus. Peut-être. Donc Rupert doit apprendre alors à communiquer avec Rebecca, parce que bah, Rebecca, elle le voit pas. La communication dans le couple, c'est. C'est quoi? Avec respect, il a commencé à traîner. Il a connu. Pardon. Comment? Avec respect ? Oui, avec respect. Il a commencé à plus traîner là où j'étais. Avec il était classe. Toujours très clair sur les limites, voulant le consentement de notre telle. Il n'a jamais fait pression pour être à l'intérieur de ma maison ou quoi que ce soit du genre. Catherine et Rebecca s'étaient elles rencontrées sur TikTok. Nous sommes devenus. Nous sommes devenus meilleurs amis, puis avons cessé d'ignorer ce que nous ressentions l'une pour l'autre. Si elle n'est pas en relation amoureuse avec Rupert, Catherine interagit néanmoins fréquemment avec lui. Nous sommes amis. Donc ça, c'est cool quand même. Catherine a dit, moi, je suis pas amoureuse, mais je suis amie avec lui. Nous avons passé du temps ensemble, avons eu des conversations très intéressantes et nous sommes partis en voyage. Donc voilà, sympa. Sympa. Mais il vit sa meilleure mort finalement. C'est Rupert. Une belle histoire. Est-ce qu'autour de la table, et je vais peut-être pas tout de suite que poser la question à Adrien. Relation avec des fantômes. Vous croyez aux esprits, aux fantômes, aux. Mais évidemment. Toi, mais je moi, que... je suis venu avec mon mec là. Tu le vois pas, il est assis dans le canapé. Ce bon je, Rupert. Je présente Casper Tienne. Casper Tienne. Casper Tienne. Casper Tienne, mais ça marche Samuel pas. Samuel Etienne. Mais il est très. Mais il est vivant, Nathalie. Enfin, ça va pas ou quoi? Non, mais il est posé. Alors, les news, c'est Casper. Oh, je suis un petit ballon. Oh, je suis un petit ballon. Je suis mort. C'est la bienveillance. Je suis un fantôme. Ah, attention, c'est devenu une mobilette. C'est transformé en Crazy Frog sur la fin, c'était dommage. Non, mais tu crois. Toi, je sens. Nathalie, il me semble que tu crois un peu quand même, un peu à l'au-delà. J'y ai cru à un moment, ah. Mais à un moment où j'étais un peu fragile. C'est souvent comme ça. Mais c'est resté quoi. Non, mais tu sais, il y avait tout plein d'histoires dans ma maison de campagne. En fait, ça m'a saoulé. Mais il y a eu plein d'histoires parce qu'on n'arrêtait pas de parler de fantômes le soir avant d'aller se coucher. Ça donc joue. Le lendemain, les gens me disaient eh ben, j'ai vu un fantôme. Et me souriaient avant de me coucher. Tout ça, il avait. Enfin bref, ça m'a vraiment saoulé. Et à partir du jour où on en a plus parlé, ah ben il n'y a plus de fantômes. Ah oui, bah c'est oui, un bon conditionnement. Mais les gens s'inventent. Mais je pense que c'est un truc qui te monte à la tête. Et quand tu es tout seul, tu commences à analyser des petits bruits qui bien deviennent sûr. Des pas et des bruits de rideaux qui s'ouvrent. Enfin, voilà. Je vois très oui, très bien. Je d'autant que moi, la maison de Nathalie, la maison de campagne de Nathalie, me terrifie parfois. Parce que. Non, mais il faut quand même raconter sur la maison de Nathalie, c'est qu'elle a quoi acheté cette maison et les habitants qui lui ont vendu ah. ont quitté les lieux en laissant absolument tout dans la maison. Ah. Ce qui est terrorisant pour non, moi. Non, non, il n'y avait pas les vêtements. Ils m'ont laissé tous les meubles, le linge de maison, la vaisselle, quelques photos de famille, le chien, le chat. Mais à part ça, rien d'anormal. Une corde. Non, mais les photos, c'est vrai, il y avait des photos. Il y en avait un tout petit peu, mais c'est pas bah. Tous les souvenirs de famille. Ah, non, mais ils sont partis ouvrir c'est... une mais ils sont maison pas morts, d'hôtes ils sont... à oui. Bali. Ouais. Donc ils pouvaient. Enfin, ils n'ont rien ramené là-bas, quoi. Ouais, ouais. Mais tu peux. Ouais, tu peux. Moi, ça me terrorisait. Quand j'arrivais, je fais. Mais... Nathalie, tu n'as aucun goût en déco, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu venais d'emménager. Elle disait non, mais c'est pas moi, c'est les gens d'avant quand c'est là. Et encore, ils étaient meilleurs que mes goûts d'avant. Hein. Franchement. Et je suis parvenu depuis. En tout cas, le parquet est parfaitement ondulé oui, au rez-de-chaussée. Il y a un dodane dans le salon. Donc, c'est littéralement une maison hantée. Oui, c'est un dodane dans le salon. Il est caché sous le parquet. Voilà. La course Mario Kart maison hantée avec les. Voilà, c'est la maison de Nathalie. Toi, tu crois un peu à ces trucs-là, c'est alors, je dirais pas fantôme, je mettrais pas ce nom-là. Je crois aux énergies et qui restent dans les endroits. C'est-à-dire que vraiment, quand il s'est passé des choses vraiment tragiques, je pense qu'on peut ressentir dans les murs. En fait, vraiment, ce truc de théorie des cordes et de vibrations et qu'au final l'énergie n'est que ça, je pense qu'il peut y avoir des traces, des choses qui restent comme ça. Et quand c'est vraiment très très intense, hein, je dis pas une dispute ou un truc comme ça, je pense que ça peut laisser des traces qu'on peut ressentir. Moi, il y a plusieurs endroits dans lesquels je suis allé, je te dis pas c'est à peine je rentre je le ressens. C'est quand tu passes un peu de temps là-bas et que tu commences à dire ouais, ça fait deux semaines je suis là, j'arrive vraiment pas à me sentir bien, c'est tout le temps désagréable alors que l'endroit est cool. Et que après je sais pas, deux semaines après on t'explique bah au fait il s'est passé ça ici, etc. Il y a eu 17 morts dans cette maison. Mais donc je suis un peu là-dessus. D'accord, ok, intéressant. Adrien, moi c'est de la merde ce qu'il vient de dire. Je peux te le prouver scientifiquement. Non, moi je crois pas. Bah oui, j'imagine bien. J'y croyais quand j'étais. Quand t'étais petit, c'est ah ouais. C'est pas pour être condescendant. Non, mais quand j'étais ado, je faisais du spiritisme, mais effectivement. Putain, je savais même pas. Ouais, bah, des corbeaux. J'ai eu une période. Non, mais c'était. C'est pas ça qu'il est vegan aujourd'hui, c'est parce que juste il s'excuse en c'est fait. Karma, sur tous les animaux qu'il a butés. Non mais tu sais le truc où tu mets le doigt sur le verre et le verre se déplace et tout. Ah ouais. En fait c'est oui bon bah quelqu'un tu pousses le verre et puis en fait il y a une espèce de truc genre quand tu sens le verre un peu bouger bah inconsciemment tu vas le faire bouger aussi. Enfin tu vois c'est des trucs. Mais j'y croyais à fond quoi. Moi j'avais. Il y en a qui chialaient et tout. Ah ouais. De peur. Mais non. Pas moi. Bah non toi t'étais moi, là genre. Moi j'étais genre. Hey, tu veux me baiser le fantôme peut-être vu que. Mais moi quand je disais que j'y croyais quand j'étais un peu fragile c'est. Il y a eu un moment où j'étais vraiment en dépression et je commençais à croire aux guides spirituels, aux anges et tout ça qui te qui t'aident pour je sais pas peut-être penser à autre chose, à dire mais ça t'a fait du bien voilà. Pendant cette période mais bon voilà du coup j'interprétais tout, genre il y a un soir je disais si vous êtes là les anges manifestez-vous et en fait à 3h du mat j'ai reçu un SMS et c'était un prof de théâtre que je voyais à l'époque. Et en fait, c'était juste un gars qui voulait me chiner, quoi. Et moi, je m'étais dit, mais oui, c'est donc lui, c'est un ange, tu vois. Ah oui, bah et après, ouais. En parlant avec d'autres élèves qui le voyaient aussi, ils me disaient, mais il est giga lourd et tout. Il essayait vraiment de me serrer. D'accord. Et après, je me suis dit, ah bah oui, alors c'est peut-être pas... C'est un ange de la télé-réalité, malheureusement. C'est ça. Moi, c'est vrai que tu disais que tu faisais du spiritisme. Mais c'est pas moi, c'est le fantôme, regarde. Oh, spooky. Il contrôle ta main. Imagine, je suis mort depuis le début. Je vais faire le podcast avec Florent, mais il est mort depuis 10 ans. Ouh, imagine. Moi, je faisais des films d'horreur quand j'étais ado. Je sais pas si ça, parce que nous, en fait, c'est un running gag qu'on a quand depuis on un petit moment. Mais bon, ça va faire... on verra. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, j'ai envie de te dire. Savoir que 80% des idées dans Evil Dead sont d'Adrien. En blague, voilà. Pour me moquer des films d'horreur. Si dans la bonne annonce de Evil Dead, dans quelques temps, vous voyez quelqu'un faire... Et en fait, c'est très simple. On va faire un petit exercice. Par exemple, Adrien, je te dis, t'es en train de te brosser les dents à minuit devant ta glace. Vas-y, qu'est-ce qui pourrait se passer? Bah, je me brosse les dents. Je baisse la tête pour cracher mon dentifrice. Je lève la tête dans le miroir, il y a un mec derrière moi. Bah voilà. Bah vous voyez, c'est dans Evil Dead. Automatiquement. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne, quoi. Donc tu disais que tu faisais du spiritisme. Moi, quand je tournais des petits films d'horreur. Et j'avais fait un film d'horreur où je voulais ça, faire. Il faut que tu les ressortes quand Evil Dead va sortir. Oui, pour créer ma propre mythologie. Bah, bien sûr, évidemment. Et j'avais essayé de faire une étoile de Satan. Alors déjà pour la blague, un pentacle. Un pentacle. T'as fait une étoile de David. Déjà. C'est exactement vrai. La première étoile, c'est l'étoile de David. Et je fais, mais non, mais c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas le message que je voulais. Surtout avec du ketchup pour faire du faux sang. Non, c'était pas ça. Donc je l'efface et j'ai réussi avec un vieux dessin. Parce que à l'époque, moi, j'avais pas internet, les amis. J'avais pas de portable. J'étais dans le jardin. Donc on va avec mon pote. Ah, je crois que c'est comme ça. Et je l'avais laissé. Et j'avais eu une discussion avec ma mère qui dit, Florent. On a vu que t'avais dessiné une étoile de Satan. Qu'est-ce qui t'arrive? Et je fais non mais t'inquiète, en fait je fais des films d'horreur. Parce que déjà j'écoutais du métal et tout, je regardais des films d'horreur, j'étais un peu passionné par ce monde un peu de la violence. Et du coup elle a eu un peu peur. Mais moi quand j'étais en genre première seconde, je faisais des jeux de rôle. Et c'était pile pendant l'époque où dans les années 90 du coup il y avait toute une paranoïa sur oh là là, si les jeunes qui font des jeux de rôle, c'est des satanistes quoi. Ouais. Et il y avait vraiment des. Parce qu'en gros, il y avait un gosse qui avait poignardé son prof. Ouais. Et en gros, il s'avère que il faisait des jeux de rôle, tu vois. Mais il avait pas dit je suis un gobelin. Ouais. Vois, c'est comme associer les tueurs de Columbine et Marilyn Manson quoi. Oui, voilà, c'est ça, tu vois. Ouais. Et du coup, il y avait tout un truc. Mais aux États-Unis, ça avait même pris des. Ça s'appelait la Satanic Panic. Ouais. Où il y a un documentaire qui s'appelle Paradise Lost qui parle de ça, qui est un truc de true crime qui est terrifiant parce que. Bon bref, je vais pas. Et donc il y a eu le même dos avec les jeux vidéo après. Ouais ouais. À chaque fois les ados. À chaque fois j'étais dedans moi. Mais tu rigoles, mais c'est ça. Moi Bowling for Columbine, je regarde parce que je connaissais pas l'affaire Columbine et je vois. Il adorait tel groupe. Je fais mes deux groupes préférés. Il jouait à Counter Strike. Il ne baisait pas. Il dessinait des pentacles. Les étoiles de David au ketchup. Voilà, ça fait beaucoup. Mais non, c'était littéralement moi, hélas. Un touriste suisse a été arrêté en Europe de l'Est sous l'emprise de drogue après avoir volé une voiture avec laquelle il a commis 3 excès de vitesse et percuté 5 bagnoles. Que diable était-il allé faire dans cette galère ? Non, il fuyait, il a été chopé dans un truc comme dans Hostel et il s'est Il fuyait le diable ? Non, il ne fuyait pas, je peux vous dire. Il avait un robinet, le mec. En voiture, il y a l'histoire de la dame blanche qui fait de l'autostop. Ah oui, c'est vrai. La drogue, il y a la mauvaise idée de la prendre en voiture. C'est important. C'est vrai que personne la prend, peut-être la dame blanche, si tu la prends en bagnole, c'est bon. Mais c'est ça, c'est ça. Si tu la prends, c'est bon. Ah bon ? Oui, c'est ça la légende. En fait, ah, je connaissais pas. Elle hurle à l'endroit où elle est morte. Exactement. Elle disparaît. Alors moi, j'ai eu deux versions. J'ai entendu deux versions parce que c'est ça. C'est que moi, j'avais entendu cette version-là et j'ai entendu une version où c'était au moment, dans le virage où elle est morte, elle dit « Attendez, ralentissez ». Tu ralentis, c'est pour éviter que les gens meurent comme elle. Et après, une fois que t'as pris le virage, elle disparaît. Trop sympa. Oui, mais elle provoque l'accident, en fait. Bah, en fait, si elle hurle, pour moi, c'est un peu contre-productif. T'as risque d'accident, ouais. Ah c'est un peu ou quoi ? Et qu'elle ait une dérision de sol dans le noir. Et elle rigole avec sourire. Elle se frotte les mains, elle fait « Y'a pas de raison qu'il y a que moi qui crève !» Alors si elle faisait « Attention !» avec un petit gilet jaune. Avec un petit gilet jaune et un triangle. Non, mais elle monte dans la voiture. Faut la prendre en autostop. Ouais, mais imagine la voiture elle est pleine. Ah bah là t'es baisé. Ouais. Là, tu dis, on va pas la mettre dans le coffre, c'est la dame blanche quand même, un peu de respect. Bah tu meurs. C'est dur, c'est fort de café. La drogue est importante dans ton histoire ou pas ? Bon, elle peut expliquer ce qu'il cherchait quoi. Alors c'est ça que j'allais demander. Ouais. Il ne fuyait pas quelque chose, il allait chercher exactement. Quelque chose. Exactement. Ok. Exactement. En Europe de l'Est. Exactement. On va encore se prendre. Des clichés. C'est bon, tu peux. Mais moi j'ai le droit. La carte. Tous les clichés d'Europe de l'Est. Nathalie aussi. Nathalie aussi. Ah mais oui, c'est vrai. Mais moi aussi parce que. Parce que voilà. Vous méprisez. Oui, c'est vrai qu'on a deux beaux représentants de l'Europe de l'Est. Baba Yaga du coup alors. Ce n'est pas Baba Yaga. On peut rappeler Baba Yaga, bien sûr. C'est le mythe de la sorcière. Voilà. Tout simplement, exactement. Ce n'est pas non plus. Non, j'ai rien. Moi, j'avais Cyril Hanouna qu'on appelle Baba, mais j'avais rien derrière, malheureusement. Oh, il peut faire peur des fois. Oh là là. Allez, ça, boom. C'est bien spooky, tu vois, dans la vraie vie. J'ai rien. Europe. Non, alors il allait chercher quelque chose. Il allait. On est en Europe de l'Est, effectivement. Tu disais, on va pas aller dans les clichés. Non, mais Hostel, c'est Europe de l'Est. C'est vrai, mais c'était pas Hostel, c'est pas un exorcisme. Il allait chercher de la vodka. Mais non. Elle est bien parce que quand tu prends une voix, en plus de ta voix cassée, seuls les dauphins t'entendent. C'est horrible. Non, c'est bien. Mais je peux même pas rire correctement, je suis là. Bah, c'est un peu les contes de la crypte. Non, mais attends, parce que ça a un lien avec l'Europe de l'Est, mais je pense que c'est quelque chose de connu en Europe de l'Est. Très célèbre. Ça vraiment, oui. Oui, ça a un lien avec l'Europe de l'Est. Un pays en particulier d'Europe de l'Est ? Un pays en. Tchernobyl. Pas Tchernobyl. Pripyat. Vladimir Poutine. Pas Vladimir Poutine. Non, le pays déjà. Attends, c'est... on peut trouver le pays et déjà ça va nous vous aider. Pouvez... Ah, bah oui. La Pologne. Ouais. Enfin, cela dit, ça attendez, parce que là où il a été arrêté n'est pas le pays qui va vous aider à trouver la réponse. Il a été arrêté avant. Il voulait aller en Transylvanie. Oh, et pourquoi donc bien, ouais. Pour trouver Dracula et le tuer. Alors. Un pieu dans le cœur. Oh putain, mais t'as toutes les rêves. Est-ce qu'il avait de l'ail dans son coffre? Alors. Attends, Transylvanie, c'est une région de Roumanie. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas le pays, mais c'était la Roumanie. Et vous pouvez encore trouver plus précisément la réponse parce qu'effectivement, il était allé chercher Dracula, pas pour le tuer. Pour qu'il le morde. Ah oui, mais il était blessé ou il était malade et il voulait se rendre immortel en étant croqué avant de mourir. Il a croqué le doigt. Alors, monsieur. Alors, je sais pas s'il était malade et tout, l'histoire ne le dit pas. Ah. Il voulait effectivement se faire transformer en vampire, mais plus que ça, mais je vais vous donner la réponse que vous voulez prendre la place de Dracula, devenir le boss. Ouais, vampire à la place du vampire. Non, il estime être le petit-petit-petit-petit-fils. Oui, ça siffle, Adrien, mais c'est spooky. Oui, le petit-petit-petit-fils de Dracula. Il dit en fait Dracula. Il estime. Il dit c'est mon arrière. Ah, bah il était sous drogue, hein, attention. Son arrière-arrière-arrière-grand-père, Dracula, son selon petit, lui. Petit fillot, quoi. Exactement. Alors qu'il était en train d'être escorté par des agents de police vers leur voiture, des médias roumains l'ont entendu le micro dans un extrait. Vous savez qui je suis ? Le petit-petit-petit-petit-petit-fils de Dracula. Dans un extrait du téléjournal d'une télévision roumaine, on entend le jeune homme sanglotant s'exprimer en anglais. Je voulais aller dans la forêt de. Oyabakyu, Oyabakyu, bon désolé pour nos amis pour romains, la à la recherche de mon arrière-arrière-arrière-grand-père, le comte Dracula, pour qu'il me transforme en vampire. Toute ma vie j'en ai rêvé et maintenant j'en suis là. On est passé un peu, c'est un peu passé en sous-marin, mais il a tué une personne en la renversant. Personne. Non, il a percuté des bagnoles, mais ah, il a tué personne. Et pourquoi il roulait aussi vite Parce qu'il était sous drogue, un peu foufou. Un peu foufou. Bah, quand tu dis que t'es le petit-fils de Dracula, t'es un peu foufou, si je peux me permettre. Ah mince, j'avais un truc à dire, j'ai oublié donc ça. Oh non, t'as fait du Adrien Tupping. Est-ce que vous pourriez aller, parce que je sais que Nathalie, à une époque, t'as fait des petits trucs comme ça de y a trouvé. Non mais c'est pas très. Vas-y. T'as fait des concepts de vidéos pour te faire peur. Je sais que t'avais fait le truc sur Netflix. Jusqu'à l'aube, t'avais fait les mais histoires. Mais tout était truqué. Hein. Oui, bien sûr. Oh, on l'avait senti venir. Elle est plus sous contrat. Ça, elle balance tout, attention. Les hommes en combinaison noire, c'est McFly et Carlito. Hein, oui, non, mais qui me gesticulent devant le visage dans le noir. J'avais bien compris. Et je sais que t'avais fait en parlant de McFly et Carlito, t'avais fait les histoires flippantes. Est-ce que tu aimes te faire peur dans des trucs comme ça? Est-ce que c'est une expérience que tu pourrais refaire? Est-ce que c'est une expérience que t'as kiffé? Est-ce que bah, t'aimes dans te ce faire cadre-là, peur oui, du divertissement, c'est chouette. Mais bon, c'est vrai que quand t'es dans un château et qu'on te dit qu'il y a une dame qui a été enchaînée pendant je sais plus combien de mois dans une cave et que tu te retrouves dedans, ça fait un peu peur. Ça fait quelque chose. Si tu crois pas forcément aux fantômes, ça fait un petit frisson. Parce que tu dis que tu crois pas aux esprits, mais est-ce que là, demain, je te dis, écoute Nathalie, j'ai un pur concept. On va dans une maison où il y a vraiment eu des histoires cheloues, peut-être qu'il y a eu des meurtres, on sait pas trop, on y passe la nuit. Est-ce que tu te le tentes? Non, en mode premier degré. Ouais, on se le tente. Et on se filme et tout. On peut se filmer ou pas, mais en tout cas. Essayer de communiquer avec les entités. Je sais pas, en tout cas, on mais je crois que Seb, il rêve de faire ça. Comment elle m'envoie sous le bus. De fou. Je parle des énergies tout à l'heure. Elle est en train de jubiler. Mais toi, tu m'en as pas parlé un jour. De mon rêve de faire oui, ce type de vidéo. Oui, trop y aller avec. Ça me fascine assez. Je trouve ça très marrant. J'y crois. Vraiment pas ouais. Pour le coup ouais. Genre, des trucs qui craquent et des machins comme ça je vais tout de suite le relativiser ouais. Mais je kiffe le frisson que tu peux ressentir mais ouais. En fait je relativise tout trop vite donc en fait c'est pas très intéressant. Alors c'est très intéressant que tu dises ça Sébastien parce que j'ai un petit jeu à vous proposer. Attends je voulais juste dire mon truc sur les vampires. J'avais une super transition mais c'est désolé mais on trouvera un truc. Je te le redis que, je te relance. On connaît les trucs sur les vampires genre ils ont peur de l'ail, l'eau bénite, ils ont pas le droit de rentrer dans une maison s'ils sont pas invités, je sais pas si vous connaissez ce truc. Mais il y a un truc moi qui me fait beaucoup rire, c'est que dans certaines cultures les gens pensent que, en gros, les vampires sont obligés de compter quelque chose si tu le renverses devant eux. Adrien, c'est-à-dire que tu regardes bien la question que j'avais prévue dans ce podcast. Ah bah, ouais, mais c'est pas pour les tuer. C'est pas pour les oui, tuer. Oui, mais c'était pour amener. Ah, okay, mais bon, vas-y. Non, mais en gros, c'est pour dire que si tu te fais courser par un vampire, tu renverses un sac de riz. Et le vampire, il est obligé il de s'arrêter les et compter les grains de riz. Mais c'est trop drôle. Mais c'est hilarant de putain, dire que c'est vraiment un vampire. Ah, merde. Je peux pas tuer. Ah, merde. Merde. Un, deux. Malédiction. Trois, quatre. Alors qu'il est en chauve-souris en plus. J'en suis à... merde. J'en suis à 300. Il est déjà loin maintenant. Je sais pas pourquoi c'est Old El Paso d'un coup. Oh, oh, c'est Dracula. Oh, je vais mettre le souris dans mon chili con carne. Macaramba. Je suis un vampire. Mais... Aïe, Dracula. Et Adrien, t'avais vu passer le jeu basé sur... justement les vampires dans un espèce un village où tu dois rentrer dans les maisons et les habitants de chaque maison sont en fait dirigés par des IA auxquels tu dois parler. Mais je t'ai vu y jouer sur... Et t'as pas joué toi ça? Non j'ai pas joué mais... C'était drôle le concept quand même. Oui c'est drôle. En fait c'est... Bah vas-y raconte. Bah je l'ai expliqué mais très mal. Non mais en gros le truc c'est que tu es un vampire c'est ça? C'est ça. Et en fait t'es dans un village et tu dois aller mordre des gens et tu dois aller frapper à leur porte mais tu dois les convaincre de te laisser entrer. Et ne pas paraître suspect quoi. Voilà mais en gros le petit twist c'est que les dialogues sont gérés par IA donc tu peux vraiment dire tout ce que tu veux et vraiment tu parles, t'as une discussion dans le micro quoi, c'est pas écrire ton texte. Ah oui d'accord, ah ouais, donc l'immersion est le RP total. Tu peux dire laissez-moi rentrer j'ai envie de chier et ils vont te dire... Ouais, bah, faites ça chez vous, enfin, machin. Enfin, y a pas de. Oui, parce que c'est l'autre truc des vampires, tu es obligé d'être invité pour rentrer dans une maison. Tout à fait. C'est pour ça que. Pas invité à chier, invité. Oui, invité, mais tu peux dire que c'est pour chier. Ouais. Et comme ça. Et ça marche. Et c'est d'ailleurs tout le drame des paillassons avec écrit bienvenue, qui nique totalement le. Ah bah là, les vampires. Là, les vampires font, c'est écrit sur le paillasson. T'es de ma gueule ou quoi. Donc, non, ce que je disais, vous avez peut-être absolument pas compris, vous, auditeurs, mais en fait, j'avais une question qui était, pouvez-vous lister toutes les façons de se débarrasser d'un vampire? C'était là où c'était ma transition. Il y avait marqué tuer les vampires. Tuer les vampires, mais en tout cas, se débarrasser. Et effectivement, les graineries, c'est dans des récits chinois, mais même le fait de renverser des trucs, c'est quelque chose qu'on trouve dans, c'est des mythes du sous-continent indien, également sur les sorcières, en tout cas, les trucs un peu maléfiques, sachant que un peu dans le même genre, il y a, On peut les lister, on peut jouer quand même, non? Vous pouvez en jouer. Il y en a un autre, un peu dans le même genre, qui est très marrant. Okay. Un truc qui est que quand un vampire le voit, il est obligé de le faire. Sinon, il peut pas continuer sa route. Wow. Ok. Alors, bon, déjà, il y a le pied dans le cœur. Déjà, ça peut le tuer. Voilà. La lumière du soleil. Non, l'ail, ça les tue pas, je crois. Ça les éloigne. Ça les. Ah, je sais pas. Crucifix, lumière du soleil. Lumière du soleil, ouais. Lumière du soleil, oui. Ça vient du cinéma, dites-vous. Ça vient de Nosferatu. Ouais. Ça n'existait pas avant. L'ail, en fait, ce qui est très marrant, c'est que les gens pensent que c'est des gousses d'ail, sauf qu'à la base, ce sont des fleurs d'ail. Et c'est dans la culture populaire que c'est devenu des gousses. Parce que c'est peut-être un peu plus graphique, mais avant c'était des fleurs d'ail. Moins graphique que des fleurs, je trouve. Non, mais des gousses, t'as un truc un petit peu plus, tu vois. Ouais. Et ça se jette plus facilement aussi. Ouais, genre, tiens, prends que ça, vampire. Si tu jettes une fleur, elle revient sur toi, quoi. C'est exactement ça. Celui qui a un peu de vent et terminé. Un truc qu'ils sont obligés de faire. Non, mais les brûler, tout simplement. Normalement, les vampires. Oui, tu peux les brûler. Les broyer, totalement. Oui. Il y a un truc aussi très connu que vous avez pas dit pour tuer les vampires ou pour là c'est pour les tuer, là c'est pour les tuer. Pour les tuer, un truc pour tuer les vampires. Mais si tu leur coupes la tête. Alors oui, tout à fait. Ah bah il faut savoir que les gens l'ont un peu perdu ce truc-là. Ah oui. Mais alors à la base très efficace. Très efficace. Non mais c'est vrai que pour beaucoup de créatures quoi. Quasiment toutes hein, les je crois. Bombes, je pense. Non attends, il y a un truc où quand tu coupes le non, pas du tout. Je confonds le chat, quand tu coupes la tête. Ça repousse. Ouais. D'accord. Ouais, voilà. Et c'est spooky. Imagine. Mais juste les empêcher de se nourrir. Bah non, ils mangent pas les vampires mangent pas. Les vampires pas. Ne mangent pas. Mais à part le sang du humain. Oui, ils peuvent pas crever de faim de ça parce qu'on a quand même pas mal de films écoute, où c'est pas dans ils sont en dèche quoi. Mais oui, c'est vrai. Temps, ouais. Mais c'est pas dans ce que j'ai noté. Ils sont en bad. Hein. Ouais. Ils maigrissent beaucoup quoi. Il y a un film. Ils sont peut-être juste de mauvais poils quoi. Ils meurent pas, mais c'est juste. J'ai non, dans non, elle a une sale tête quand elle mange pas là. Mais dans plein, ouais, j'ai vu le film avec Nicolas Cage récemment, Rainfield, il y a un peu ça, il lui file du sang d'animaux et ouais, tout. Ouais, qui récupère et ça met Nicolas Cage dans un sale état. Ah, le pauvre. Déjà, avec ce qu'il endure, non, mais tu sais. Non, et alors le crucifix, effectivement, il y a l'eau bénite. Je l'ai dit. T'as dit l'eau bénite, excuse-moi. Ah non, je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai listé. La purée également. La purée. La purée à l'ail, bien sûr. La purée à l'ail, il déteste ça. Non, j'en ai d'autres. En fait, il y en a qui viennent de films, ça qui est très marrant. Attends, mais juste, excuse-moi, le truc des graineries, ça le tue pas. Non, juste, il doit les compter. Oui, oui, juste, il y a du temps quoi. Et alors, il y en a un autre, pas pour les tuer, mais des trucs très chiants qui peuvent le ralentir. Peut-être vous pouvez le trouver, un peu comme les graineries. Alors. C'est un truc, il le voit, le vampire, il te poursuit. Tu lui balances ça, il fait oh merde, bon bah là, je suis obligé de le faire. Pardon, alors, je pensais à Grinderie des Balkans. Ça ne marche pas avec Grinderie de. S'il tombe non, si, il fait juste, en pleine course. Il court, il s'arrête, il fait 1 et il continue. Voilà. Après, c'est tout type de grain. Hein. C'est vraiment. Ah oui. Ça peut être du blé, ça peut être du riz gluant, ça peut être du riz. Ouais, même pas que du riz. Ça peut être du blé, du quinoa. Ah, ouais, l'enfer. Un paquet de Choco Pops. Imagine, je renverse un paquet de Choco Pops. Il les compte. Ah ok, bon bah ça va, c'est cool. Attention, on dit ça. Si jamais vous avez un vampire, on n'a pas fait des recherches très précises. Oui, voilà, oui, oui. C'est un peu comme ça. Mieux quoi. Vaut avoir un bon cardio. Ouais, c'est ça. Mais ils volent. Donc là, t'es mal. Ah, ils volent. Ils se transforment en chauve-souris. Dans Twilight, ils marchent sur les arbres et tout. Ouais, mais là, après. Ah, ça, le lancez pas sur Twilight. Hein. Ça, mais attends, c'est une saga extraordinaire. Je vois pas de quoi tu parles. Jamais vu. Complètement malade. Non, donc c'est un objet. Alors. Non, c'est une danse ou un truc comme ça. Tu fais, il est obligé de danser. Tu lui mets Despacito, il est obligé de. Allez, ah merde. Moi, je suis son préféré. Je vais faire une choré. Je vais faire une choré TikTok. C'est celle de Los Dermas ou Los Dermillo. C'est pas les mêmes. Les Last Ketchup, oh non. Vous savez que ça vient d'une chanson de hip-hop à la base, non? Je commence à l'aimer, ce personnage de vampire un peu mexicain. Je l'aime bien. Non, mais tu fais un truc, il est obligé de le faire, c'est ça? Et ouais, il est obligé, je vais vous donner un indice, de le défaire même. Ah, un nœud. Très bonne réponse, ouais, tu mets des nœuds. Si tu joues, c'est genre des lacets, des trucs comme ça, il fait bah, oh non. Du coup, t'as toujours des lacets sur toi? Bah, donc, pas à l'époque. À l'époque des vampires, c'est un peu moins. Non, on est tranquille. Nous, on avant de nous mordre, si ça tu mets qu'on des qu'on chaussures plus à scratch, attention. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est pour ça qu'on n'en voit plus, je pense, parce que tout le monde a des lacets. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que j'ai d'autre sinon pour les tuer? Non, mais je crois qu'on a dit à peu près on tout. Est pas mal, hein. Alors, certaines, moi je croyais que c'était les loups-garous, les balles en argent. En argent, ouais. Bah, ah, chez certaines cultures, c'est ce que j'ai là. Chez certaines cultures. Pour moi, c'est les loups-garous. Mais d'où tout se mélange du coup? C'est un peu quoi. Bah, c'est un peu ça, tout vient un peu des mêmes trucs. Parce que tout couper la tête, moi je croyais que c'était les zombies, ce qui est le cas aussi. Oui, oui. Mais ça vient des vampires. Oui, bon, après, là, c'est les immortels, Highlander. Si tu coupes pas la tête, c'est mort. C'est vrai. Et le sol, les sols. Glissants. Ouais, c'est poisson. Très dangereux. Oh, ça glisse drôlement. Bon, allez. C'est un sketch. Ça devient très drôle. Mais ils peuvent voler, c'est ça qui me rend ouf. Oh, ouais, c'est très glissant. Qu'est-ce que je peux faire? Ça devient aussi un peu la poubelle du parc Astérix. Oh, j'ai très faim. C'est un vampire en fait depuis le début. Quoi. Depuis le début. Tu nous dis, ouais, fait très bien. Où votre sang maintenant? Donnez-moi votre sang. Bon, mais du carton, ça ferait la faire. On va parler maison hantée, on va parler de débunkage. Oui, aïe, aïe. Parce que je vais vous donner des histoires inexpliquées de maison hantée. Et en fait, à chaque fois. C'est expliqué. Il y a une explication comme rationnelle. Ma maison de campagne, quoi. Exactement. Okay. Mais ça n'a pas été débunké, hein. Moi, une fois, j'ai dormi chez toi, j'ai vu un pendu. Je te l'ai pas dit le premier soir. Ouais. Voilà. C'est et comme moi, ma tante, elle m'a dit un jour, elle était descendue dans le salon à 3h du mat, qu'elle a vu quelqu'un installé dans le canapé. Bah ouais, c'était Mich. Donc on va parler maison hantée qu'on débunk, une solide maison de pierre située, et c'est pas une chanson, même si on dirait un petit peu le début d'une chanson. Brassens. Une solide maison de pierre. Alors attends, qui appartenait à Pierre. D'ailleurs, oui. On peut dire qu'on l'a vu le reel du mec qui chante Brassens. Qui chante Jules en Brassens. Voilà. Écoutez, c'était très sympa. On l'a reçu 1200 fois. Et Adrien, comme moi, nous n'avons pas compris. Pas compris. Bah, en fait, c'est juste pour Georges Brassens, Foudny Bar, je crois. Oui, mais... c'est ça, mais là, vous l'avez beaucoup envoyé. Ah, donc, mais voilà, oh, là, on l'a vu. Voilà. Donc, une solide maison de pierre située dans le village de La Roche. Et je peux dire, tu l'imites mieux que le mec de la chanson du reel. Donc, située dans le village de La Roche, à 15 km de Mandé. Attends, maison de pierre de La Roche. Oh, mais oui. Déjà, c'est spooky pour moi. Déjà. Ça peut pas, moi. Fut l'objet en 2013 de phénomènes paranormaux. La famille habitant la maison, le maire et les gendarmes se grattent la tête en observant ampoules qui éclatent. Bah, ils sont comme ça, ouais. Et après, quand ils ont une idée, il y a une ampoule qui est apparue au-dessus. En observant ampoules qui éclatent, décès inexpliqués de chats et frigos renversés. Attends. Tout porte frigo à croire renversé. Qu'il s'agit de fantômes. Mais que s'est-il passé? Est-ce que c'est un truc en rapport avec l'électricité? Oui, bien sûr. Alors, charge magnétique. Exactement, une surcharge, bon, tout simplement. Je dis des trucs au hasard. Ça marche. T'es spooky. Une charge magnétique. C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait. Intersidéral. Oui, c'est pas magnétique. C'est juste électrique. Non, c'est pas magnétique. Non, c'est en gros là, il y avait ce qu'on appelle une faille tellurique. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tellurique, c'est les énergies qui viennent de la Terre. Terrestre. Hein. Voilà, et ben elle était trop forte et toutes les prises électriques surchargées seraient à l'origine du désordre. D'autant que tous les meubles renversés se trouvaient à proximité des arrivées de courant qui étaient brûlé noir, tu vois, donc en fait, toute... pas la prise terre. Oui, ça, c'est ça, ça. Et... ça, c'est un petit indice qui a son importance quand même. Ouais, les meubles à moitié cramés, t'avoueras que si je vous l'avais dit, la réponse serait arrivée assez rapidement quand même. Oui, non, mais je veux dire, pour eux qui aient envisagé d'abord le truc paranormal avant de se dire, bon, les gars, les meubles sont quand même cramés. Ouais, il y avait pas un putain d'électricien dans le village qui a dit, les gars, franchement, moi je suis vraiment l'électricité. Ouais, je vois, je ramène. Ou alors un fantôme, c'est vraiment. C'est les prises, hein, c'est avec ça. Les prises noircies. Les prises sont hantées. Et le chat est mort, comment vous l'expliquez? Il est mort, électrocuté de toute évidence. Son corps est complètement rigide. Électrocuté. Autre histoire, non pas une maison hantée, mais un phare hanté. Non pas farniente, un phare hanté. Oh alors, j'adore la musique. Des pâtes, des spaghettis par terre, je dois les compter. Oh, c'est des oreilles qui étaient. Il y en a encore plus. Des capellini, c'est trop fin. Pour mes gros doigts. Il fait trop chaud pour travailler. Pulco, la pub Pulco, vous vous rappelez ou pas? Bien sûr. Ah, il y a de l'ambiance dans ces boîtes là. Je sais pas si vous savez aussi, ça c'était un très bon jingle. Bah c'était Old El Paso. Il y a de l'ambiance dans ces boîtes là. Léna situation. Bien sûr, effectivement. Le phare de Tevennec, situé en avant de la pointe du Van, est une tour de 14 mètres de haut à côté duquel on trouve un petit logement vide. Pourtant, on entendrait la voix du premier gardien qui hurlerait: c'est le vent qui rentre dans le phare. Allez, c'est bon. Allez. Bon, c'est le vent. Cassez-vous. Alors il hurlerait: Kerskuit, Kerskuit, c'est du breton. Breton. Mm-hmm. Kerskuit, alors désolé pour les amis bretons. Qui veut dire Squid Game. Fontaine. Kerskuit. C'est juste un mec qui se branlait en utilisant un fantôme qui avait énormément envie de baiser. Bien sûr, bah, le fantôme a la caquette tendue. Non, c'est oui. Rupert. Rupert. Ah oui. Il a fait bon en Bretagne, visiblement. Voilà, bon, elle a une meuf, bah, je vais me branler dans le phare. C'est comme ça que vous trouvez. Kerskuit. Mais en revanche, apparemment, on entendait des appels désespérés d'un naufragé mort de faim. Oui, oui. Plus de 23 gardiens se sont enchaînés dans cette tour. Alors, ce n'est pas vraiment le bruit du vent, mais effectivement, il y a quelque chose. L'infiltration de l'eau, les marées. J'allais dire, c'est les vagues qui poussent de l'air dans des failles ou des trucs comme ça, non? Effectivement, en fait, ce sont le bruit des vagues qui taperait dans les effectivement sur des conduits et ça fait des résonances. N'importe quoi. Comment ils entendent ça? Catman, visiblement, ça ferait l'afro de Catman. Non, il y a Catman. En plus, il est mort, donc. Ouais, oui. Et d'ailleurs. Ouais. R.I.P. R.I.P. En fait, ils appellent ça un siphon naturel sous-marin. Voilà. Donc, ça serait un espèce de truc qui se crée sous le phare et sous l'œil. Donc, ça ferait. 23 gars qui sont enchaînés, il y en a pas un qui y a pensé. Alors. À chaque fois, c'est genre. La théorie serait que aussi c'est la solitude extrême des gardiens qui aurait peut-être. Faut pas faire ce métier. Ça relie un peu à ce que disait Nathalie de. Ils se sentent seuls, ils sont pas dans le méga bon mood et donc du coup. Pour être gardien de phare, ouais, peut-être qu'effectivement c'est un mood. Une fois qu'il y en a 10 qui sont enchaînés, je pense qu'à partir du 10ème, tu dis bon, bah s'il y en a 10 qui se sont barrés. Peut-être qu'en fait il y a des fantômes. Enfin, tu vois, tu peux aussi. Ouais. Ça peut jouer dans ta façon. Du coup, tu vas pas. Faut envoyer un enquêteur. Mais c'est bien payé. Oui, puis t'es gardien de phare. Si tu veux pas aller dans les phares. Oui, c'est ça. Si t'aimes pas être seul, fais un autre taf, quoi. Tu peux. Je vois ce que tu veux dire. Je hais les phares et la solitude. T'as qu'à faire autre chose. Elle a perdu sa voix, mais pas ses bonnes blagues. C'est la sorcière. C'est la sorcière. La sorcière du web. Putain. Sorcière 2.0. Bah je dégage. L'enfer. À Amnéville en Moselle. Amnéville. Eh, hey, pas mal, c'est une rêve, ça, d'horreur. Amnéville, ils ont tout oublié ou quoi? Oh non. Elle adore à chaque fois. Nathalie, c'est fou parce qu'elle commence à avoir cette image de femme qui adore les jeux de mots, mais c'est le fond de son cœur. C'est vraiment quelque chose qui lui fait du bien. Août 2004. Le chemin vers son cœur est pavé de calembours. Je peux pas rire. Août 2014, un banal pavillon d'Amnéville. Alors là, l'article. Calmos, un banal pavillon d'Amnéville. On serait bien content de l'avoir. Près de Metz et retrouvé sans dessus dessous. Ah, c'est en France? Ah oui, mais moi c'est de la France que je te dis depuis le début. Oh, eh oui, et d'ailleurs, twist. Cocorico. Non, oui, mais je le dis. Mais... Les meubles sont à terre, la table basse est brisée, les chaises sont renversées. Sur place. Et c'était juste la villa de Saint-Loche qui avait perdu à LOL. Sur place, les policiers assistent même, incrédules, à la chute inexpliquée d'un téléviseur, tandis qu'une voisine reçoit une gifle de fleurs en plastique. De quoi? De fleurs en plastique. Parce que ça alors, c'est un champ Florence magnétique. Qui est la voisine. C'était ça, en fait, la solution. Florence, putain. Elle dit, ah non, j'ai pas dit fleurs en plastique. J'ai dit Florence, c'est Florence en plastique. C'est la boulangère. C'est la boulangère. C'est Fernand Delmas. Oh, Florence, elle a renversé les pattes. C'est l'accent de Metz. Le sol est couvert d'huile d'olive. Oui, le fait d'huile bien au bas. De Metz. Oh, je dirais que Michel Bougenat. Pourquoi Bougenat? Bah, parce que Ferdandel avait fait la fanto. Mais j'en parle dans tous les flots de cage, j'ai l'impression. Il avait fait la pub d'huile d'olive Puget. Bien sûr, l'huile d'olive Puget. Bien sûr, et dans les dernières, il y avait, si il y avait le fantôme de Fernandel qui présentait l'huile d'olive avec le vrai Michel Bougenat. Et on nous casse les couilles avec Attends, les multiverses. Tu nous parles de maison hantée et tout, mais ça, qui l'a débunké ça? Personne. Et c'était le vrai fantôme. Hein. C'était le vrai fantôme. Et donc il y avait Fernandel qui parlait à Michel Bougenat. Oh, disait, ça m'a fait du bien rien qu'on me le raconte. Prudent, le procureur de la République de Metz n'écarte pas un phénomène inexpliqué après la dépôt d'une après le dépôt pardon d'une plainte contre X pour dégradation volontaire. Les policiers découvrent vite la vérité. C'est quoi la vérité? Il y a pas encore un truc avec de l'électricité statique. Non, non parce qu'ils ont vu la télé tomber devant eux et pas c'est de ça. Attends, ils ont vu les trucs tomber devant eux? Ouais. Bah une secousse sismique. pas une secousse sismique. C'était un prank de Grégory Guillotin caché dans la télé. Donc oui, non, qu'est-ce qui s'est passé? La maison est penchée. C'est le décor penché d'Arthur. Et donc tout tombé. Il y a des bouts d'air. Il y a rien qui tenait. C'est moi qui l'ai giflé avec une. C'est moi. J'ai pris une fleur, je l'ai giflé. L'apparition d'Issa Doumbia est alors expliquée. Nous sommes depuis le début dans le décor penché. Alors non, c'était pas le décor penché d'Arthur. Alors attends, attends, c'est quand même flippant. Ils ont vu. Oh, rien à voir. On m'a appris. Vous êtes au courant? Enfin, un peu à voir, mais pas tout à fait. Vous êtes au courant de que David Copperfield, il va bientôt faire son dernier tour de magie ever. Il va mourir sur scène. Non, il a dit. Alors, c'est ce qu'il a annoncé, mais du coup, j'ai hâte de voir. Il a dit qu'il va faire disparaître la lune. Mais genre, pas genre, il fait une vidéo et la lune disparaît. Il a dit. Le monde entier verra la lune disparaître. Ouais, il a dit, je vais faire. Et tout le monde sur Terre va voir la lune disparaître. Donc, oui, bah, il y aura une éclipse lunaire, quoi. Bah, ce là, en fait, le truc, c'est qu'apparemment, ce serait facilement débunké. Oui, la NASA est dessus, je pense. Ah, c'est nul. Mais apparemment, il a déjà décalé la date. Il y a peut-être un. Bah, de toute façon, il y a forcément un truc. Mais je suis curieux de. Bon. Ouais, c'est intéressant. Bah, quand si on a quand réussi, t'as la date, tu nous dis en tout si cas. Si c'est réussi, c'est impressionnant. Si c'est raté, c'est hilarant. Bah ouais. Et là, elle est où la lune? Bah là, elle est toujours là. Mince. En tout cas, en Thaïlande, ils la voient encore. Merde. Ouais. Bah, il a dit qu'il allait le faire deux fois du coup pour les deux hémisphères. Oh, wow. Bien sûr, évidemment. Donc j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte Moi de voir aussi, ça. J'avoue. C'est quoi le truc? Oui. Est-ce qu'il y a un assistant dans l'espace? Un énorme rideau. Qui jette une bâche, voilà, un grand rideau sur la lune. Elon Musk pour moi. Il est de mèche, c'est sûr. Alors ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, vous cherchez des trucs. Comment dirais-je? Est-ce que c'est pas juste un animal qui a fait tomber? Voilà, alors c'est pas un animal, mais c'est vraiment encore du vent plus normal que ça. Pas du vent. Il y a un petit enfant. Non. Alors, ça sera. Il y a un petit enfant. Mais ah, c'est lié à qui habite là-dedans, enfin un petit orphelin. Est-ce que c'est un truc de vibration de... Non. Y a pas de vibration qu'on fait tomber les trucs. Rien à voir avec des pranks. Bah c'est pas un prank, mais en fait tout ça est juste faux. En fait c'est juste la dame qui a menti. Oh. Ah oui, donc et qui a créé ce truc. En fait c'est parce que son fils a foutu le bordel. Alors pas non, ce serait mieux que la réponse. La télé qui tombe. Comment? La télé qui tombe. Alors justement, avec un fil de pêche. Chantal, la propriétaire des lieux, leur avoue qu'elle aurait déclenché une crise de nerfs, fait valdinguer les meubles et même demandé à son cousin de 12 ans de jouer le fantôme lors de la visite policière. Ça c'est hilarant. Et pourquoi? Oui. Bah pour qu'ils disent, bah vous voyez, je mens pas, regardez, vous entendez le fantôme, mais il y a un gosse de 12 ans qui fait je suis un fantôme. Les policiers ils étaient là. Ils ont fait, s'il connaît mon prénom, imagine. Hé hey Bernard. C'est pas mon prénom, c'est juste mon oncle, mais presque. Mais il est mort. Mais dans quel but? Bah pour se faire rembourser. Pour le fun. Non mais pour attirer les youtubeurs qui font du urbex hanté. Ouais. Là elle rêvait de parler au grand JD. Voilà, c'est non mais je pense que c'est pour l'assurance, pour se l'histoire, faire rembourser. Ouais, dégradation volontaire, c'est ça. C'est elle a dégradé son chez elle pour ensuite effectivement avoir des assurances, des trucs, des machins. Ah, peut-être faire parler d'elle aussi un petit pour le buzz. Mais c'est pour le buzz, Adrien. Mais donc, et comment ils ont débunké ça du coup? Bah elle a avoué. Ils ont vu. Ah, il y a eu un procès, oui. Et elle a. J'imagine par... oui. Bah déjà peut-être que les flics quand ils ont entendu un enfant de 12 ans faire le fantôme, ils ont fait bah non. Visiblement les flics ils ont fait waouh, il y a un fantôme. Ouais. Il y a un enfant qui a poussé la télé là. Didier, tu l'as vu le gamin. Tu l'as vu le gamin. Oui oui, j'ai vu, il a un t-shirt rouge. Ok. Bah, il est assis là, il est dans le canapé, il mange des princes. Il regarde une vidéo de Squeezie. Il fait ouh, je suis un fantôme. Ouais, non mais bon. On te voit. Il fallait te cacher, Corentin. Je l'ai pas compris. C'est peut-être la demeure hantée la plus célèbre, c'est dans l'Hérault, à Vaïokès. Dans les nuits froides des Cévennes, Georges et Marguerite sont réveillés à partir de novembre 87 par des coups sourds ou secs, le plus souvent donnés entre 23h et 1h du matin. À votre avis, parce qu'il y a des gendarmes, des parapsychologues, des exorcistes et des magnétiseurs, même une équipe de télévision qui sont venus pour essayer de comprendre. Et vraiment, toutes les nuits, il y a toc, les bruits continuent pendant l'hiver et faiblissent au mois de mars. Avant de disparaître complètement. C'est un animal en hibernation. Donc c'est pendant l'hiver, oui. Alors, ce n'est pas un animal en hibernation, mais c'est pendant l'hiver. Et à votre avis, oui. Qu'est-ce que ça fait alors, bien d'être? Est-ce que c'est l'eau un qui gèle dans, dans la tuyauterie? Oh là là, il va très. Alors, c'est pas l'eau qui gèle dans la tuyauterie. Quel petit génie. Mais c'est lié à l'eau qui gèle. Ah, c'est pas des stalactites qui tombent. Alors, c'est pas vraiment ça, mais en vrai, c'est très dur à trouver il a trouvé le plus gros. En okay, fait. Okay, okay. C'est quand même qu'il y a pareil, un peu comme le phare, il y a une rivière souterraine sous la maison. Okay. Et vu que l'hiver il fait très froid, elle gèle et donc elle se solidifie, craque, pète et il se passe des trucs sous la maison. Quoi. Sympa. Et donc du coup, les craquements, les tocs que tu trouvais, bah, en fait c'est juste. Bah, c'est je juste l'ai quand ça. Même trouvé très vite. Ouais, comment ouais, ça se fait que. Mais non, mais pas dans le sens où je suis un génie, dans le sens pourquoi eux ne l'ont pas trouvé. Pourquoi ça a mis si longtemps pour eux en fait. C'est vrai. Bah, c'est des gros nulos. Bah, ça, depuis 87, tu dis. Ouais. Donc ça fait vraiment beaucoup d'hiver. Oui, c'est... Non, je sais. Femme que l'hiver. Non, c'est pas, je sais pas si c'est une news récente quand ils ont compris quel était le problème. Ça se trouve, ils ont trouvé en 89. Mais, voilà. Mais effectivement. C'est les mêmes qui enquêtent sur le petit Grégory. Et on doit avoir confiance en la police derrière. Je te le dis, moi. Et bah, comme par hasard. Ah, cab. Est-ce que vous aviez peur des monstres quand vous étiez enfant? Qu'est-ce qui vous faisait peur? Oh, non. Mais moi, j'avais très peur d'être dans le noir. D'accord, ok. Moi aussi. Non mais moi c'est non j'allais dire oclophobie mais c'est pas ça du tout. Non. Mais moi aussi j'avais ça. Est-ce que toi aussi? C'est Joey et Phoebe dans Friends. Ouah, l'oncle de Phoebe. Ouais. Non, est-ce que toi aussi tu quand t'avais peur du noir tu fermes les yeux pour avoir moins peur ou pas du tout? Parce que ça c'est en fait je faisais ça quand j'étais petit. Et j'ai appris plus tard que c'était un truc courant chez les gens qui ont peur du noir. Comme ça, tu risques pas de voir quelque chose dans le noir. Bah, je pense que c'est pour un truc de... T'as l'impression de reprendre le contrôle parce que tu fermes les yeux, tu dis bah oui, je vois rien, mais en même temps, c'est logique parce que j'ai les yeux fermés, c'est moi qui décide de pas voir. Visiblement, Nathalie ne faisait pas ça, elle hurlait, non, non. Tout simplement. Elle hurlait non-stop. Très longtemps. Sans discontinuité. Écoutez, ça vaut aujourd'hui. Oh, elle dérape. Une voiture qui dérape. mais très loin. Ouais, elle est loin, lointaine. Dans les Vosges. Où que t'es, c'est là, tu dis, ouh, ça a tapé, là, ça va taper. Où ça va taper les Nazgûl. Moi, je sais que je le faisais quand j'étais petit. Mais effectivement, il doit y aussi y avoir un truc de comme ça. Ah ouais, t'es sûr que tu verras pas quelque chose. Ouais. Donc, peur de l'obscurité, mais peur que des trucs t'attaquent pendant l'obscurité, ou c'était même pas si rationnel que ça, juste être dans le noir te faisait flipper? Non, ouais, être dans le noir et du coup, ne pas voir peut-être un potentiel danger. Oui, voilà, c'est ça. Qu'il y en a pas forcément. Moi, c'est les bruits de la maison qui me faisaient peur. Ou alors, si les trucs où des fois tu plies tes vêtements sur une chaise et quand tu ouvres les yeux, ça fait une forme humaine. Ça me glace, ça me pétrifie et encore aujourd'hui. Ah ouais. Il faut du temps avant de rationaliser ça. C'est un nom, hein, quelqu'un va l'avoir. C'est horrible. La para, je sais pas quoi. Pareil de Chandler et Monica. Et pareil de lit, c'est les visages. C'est voir des visages. Ok, dans les trucs. C'est pas des formes humaines. Okay. Vous avez vu toute la culture d'Adrien? Non, mais est-ce que c'est quand même quelque chose, hein? Petit génie. C'est pas qu'un physique. T'es HPI, je crois. T'es zèbre, non? Je sais pas, c'est pas moi de le dire. Si, si. Vas-y, vas-y. Attends pas que quelqu'un le dise. Non, vas-y. Sébastien, eh ben écoute, moi non, c'était vraiment l'inverse. Genre vraiment, j'étais un. J'avais peur du jour. Très relou. Non mais. Oh non, le soleil. Ta question, c'était les monstres. Oui, c'est vrai. Non, c'est j'adorais les monstres et j'ai découvert très tôt Alien et en fait j'ai développé une passion monstrueuse pour ça. Quoi. Ouais. C'était énorme. Et en fait, une empathie, tu vois, genre moi Alien, je l'ai toujours vu un peu. Tu sais, la pauvre bête, quoi. Elle est là, elle se développe, elle machin, tout le monde veut la buter, la pauvre. Et je sais pas pourquoi, j'ai tout de suite eu cette espèce de point de vue. Et après, non, le dessin, comme je dessinais beaucoup, je suis allé vers les monstres, tout ça, et ça m'a fasciné très tôt. Ça m'a jamais fait peur. Ouais. Aucun. T'avais peur de quoi? J'avais peur du temps qui passe. Et ça n'a jamais changé. Le pire des monstres, l'être humain. Non. Je crois que. Alors, Jérôme Niel en fait une très belle partie dans son spectacle, mais vraiment, j'ai une longue phase aussi sur la mort. Quand j'ai découvert ça, que j'étais gamin, je me rappelle des ulcères à l'estomac la nuit, de faire, mais je comprends pas. Et en fait, c'est pas la peur de la mort, c'était la peur de l'infini. Et de fait, de pas concevoir l'absence de temps, parce que c'est pas le temps qui s'arrête pas, c'est l'absence de temps, l'absence des choses. Et ça me terrifiait dans le lit, parce que en grandissant, j'ai juste accepté la limite de mon cerveau, quoi. Mais quand t'es petit, tu comprends pas, en fait. Il y a plein de choses qui t'arrivent comme un fou, et tu te dis comment je. Moi, je me souviens que ma mère avait essayé de me rassurer en disant non, mais regarde, tu te souviens pas d'avant ta naissance? Je fais oui, c'est glaçant aussi. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Ça ne me rassure pas du tout. Tu étais où pendant qu'Adolf Hitler envahissait la Pologne? Je sais pas, et c'est horrible. Ouais, c'est ça. C'est terrifiant. J'avais un truc de. Ouais, pareil, la comprendre qu'on allait mourir a été un truc. C'est fou. Parce que non, enfin, j'ai découvert très tard qu'il y avait des gens qui avaient peur de la mort, genre vers 25 ans où j'ai eu un ex, je n'avais pas le droit de poser ma main sur son cœur parce qu'il avait peur de la crise cardiaque, quoi. Il avait peur que. Non, c'est l'hypocondrie, c'est autre chose. Ouais, puis une petite méconnaissance de ce qui cause des crises cardiaques aussi, parce que c'est pas une main sur le torse. Après, attention, Nathalie, elle dit poser, elle faisait ça. Et quand elle dit main, elle veut dire un poignard. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, je m'étais jamais posé la question de la mort. Ah oui. Et après, j'ai commencé à y réfléchir. Et là, elle pleure en disant ces mots. Et maintenant, je me rends compte qu'on n'est qu'une infime particule de poussière dans l'univers. La vanité humaine. Non mais oui, c'était la méconnaissance. Toi t'avais peur de quoi, Adrien? Moi je, en parlant de monstres, moi je me souviens que c'était mon frère et je pense qu'il y avait ma sœur, ma cousine et tout. Ils ont tous au moins 6 ans de plus que moi, donc moi j'étais vraiment gamin. Et ils regardaient le film, je crois que c'était Le Retour des Morts Vivants, je crois. Ok. Et il m'avait dit non, tu peux pas regarder, t'es trop petit et tout. Et du coup, moi, je jouais un peu à genre essayer de regarder et tout. Et il me disait non, mais regarde pas. J'avais vraiment 5-6 ans quoi. Ah oui. Non, peut-être un peu plus. Mais ouais très jeune, très jeune. 7 ans quoi. Le titre rap et Le Retour des Morts Vivants. Voilà. J'espère qu'il y a un énorme trauma parce que le petit Adrien qui est comme ça en train de croire qu'il fait une bonne petite blague et tout, qui va se faire démonter. Et au bout d'un moment, mon frère, il a dit bon, tu veux voir, viens. Il m'a amené et il y avait vraiment une gueule de zombie, mais en putréfaction dans mon souvenir vraiment. Et j'ai fait ok c'est bon. Et vraiment ça m'a traumatisé pendant. Je faisais des cauchemars toutes les nuits quoi. Mais moi ça c'est un vrai truc. Je trouve que limite si t'avais vu le film en entier, peut-être t'aurais eu moins peur. Peut-être. Parce que moi j'avais ça, mon père un jour c'est le soir et tout. Si j'avais vu un vrai cadavre. Ouais. Bah moi c'est ce que j'allais dire. Mon père à 2 ans, il m'a montré un vrai cadavre. Nickel. Hop là. Non je me souviens, quand j'étais petit, j'arrivais pas à dormir et mon père regardait un film d'horreur. Je descends et je vois Freddy. Il regardait un Freddy et je vois juste la gueule de Freddy. Et donc mon père fait oh là non remonte là. Et je fais j'arrive pas à dormir. Il fait bah tu te forces. C'était l'éducation de mon père. Et donc je retourne et en fait j'entendais, parce que ça m'avait traumatisé, et j'entendais Freddy qui était genre sale pute, je vais t'éventrer, et avec une meuf qui hurle des pas trucs. Du tout déconstruit déjà, pas du tout, parce que c'est ce que je me suis permis de lui dire au petit matin. Et non mais et t'entends la musique qui fait peur, les hurlements, et donc j'avais juste cette tête horrible de Freddy et la voix les hurlements des femmes qui se font éventrer et la négligence de ton père aussi, on peut dire qu'il vient s'ajouter. Ça a pas trop joué. Je fais les bruitages. C'est un hurlement pour les gens. C'est pas un sound design. Hein. C'est Nathalie. C'est Nathalie. Une lourde chaise qu'on pousse sur le sol. Hein. C'est ça qui a des gens qui ont enlevé leur casque en disant oh non, ça fait trop mal aux oreilles. Je suis au max. Moi, c'était la sorcière des visiteurs. Je m'en suis pas rendu compte. Encore aujourd'hui, elle me traumatise. J'y arrive pas. Hein. Mais tout le début des visiteurs, même quand ils se transforment, tu vois très bien que c'est un manche à balai quand son bras. Oui, non, mais moi, ça me fait pas rigoler. Le bras de 15 mètres là qui va chercher une potion, je rigole pas. Moi, ça me terrorise. Ça me terrifie. Et du coup, je l'ai maté. Ouais, c'est une comédie, on rigole bien, etc. Horrible. Mais tout le début, même quand il se transforme. Oui. Quand, avec cette blague qui a très bien vieilli, où le gros est un cochon. Mais où il y a Jacouille qui a une tête de rat. Les visuels, ils sont terrorisants. En grand angle, horrible. Ouais. Et à la fin, t'inquiète pas, elle meurt d'une flèche dans la tête. Oui, non, mais il y avait trop de trucs. Il échangeait en bouse de vache et tout. Enfin, il y avait des trucs vraiment. Oui, les trucs flippants des films. Non, pas flippants, le sound c'est design. Pire. Je me rappelle de ce plan de la sorcière qui sort une espèce d'énorme serpent d'une potion, tout ça, avec des gens autour qui font. Non, j'étais trop petit. Ouais, les trucs flippants des films pas flippants, des fois, sont plus marquants. Ça et les guignols de la fond de l'info, un sketch de Bernadette Chirac qui tue tout le monde. J'étais trop petit. Il y avait vraiment du sang et tout. Et c'était les guignols. Et je crois que j'avais un truc avec ces visages déformés horribles. Oui, les guignols, bien sûr. Moi quand je l'avais déjà raconté quand on avait reçu Antoine de Caunes. Quand j'ai dit, j'avais peur du personnage d'Antoine de Caunes. Il jouait un mec qui s'appelait Didier Lambrouille. Ouais. Et il pissait le sang, il cassait tout. Il disait tu t'appelles, vous t'avassez, machin. C'était à l'époque, attention. Et ça me terrorisait quand j'étais petit. Moi, j'en sais pas, c'est ma mère qui me racontait ça. Tu étais, mais genre, tu pleurais devant la télé en disant il va venir nous tuer. Il va venir nous tabasser. Alors, on parle de peur. Et j'ai un petit jeu à vous proposer. Non mais je m'excite. Non, je pense non, c'est juste que j'ai recroisé Antoine de Caunes sur le tournage de Hot Ones. Et j'ai vu qu'il me remettait pas du tout. Et je lui ai dit non mais on s'est déjà vu, parce que je suis venu dans Pop, qui est son émission sur France Inter. On avait été invité avec Florent. Il a fait ouais, je vois qu'il voit pas du tout. Je dis puis t'étais venu aussi dans mon émission le Floodcast. Et il a dit peut-être. Putain. Le showbiz. Après, il fait plein de choses. Il voit beaucoup de gens. Bien sûr. Mais le peut-être dit oh, pardon, je m'en rappelle pas du tout. Au lieu de remettre en question, tu vois ce que je dis, quoi. Mais peut-être. Vous êtes un menteur. Je te le garantis. Alors, j'ai un petit jeu facile, mais qu'on aime toujours et qui va bien dans le thème de la peur. Je vais vous donner des noms de phobies. Il faut trouver de quoi il s'agit. Alors, je sais que t'en connais quelques-unes. Ça peut être pas mal. Par exemple, si je vous dis la bananophobie, c'est très simple. Bah, c'est Didier Lambrouille, justement. Ouais, c'est ça, c'est la peur de la banane. Est-ce que vous savez quelle vedette a peur de la banane? Parce qu'il avait une banane. C'est bien. Angèle? Non. Ah putain, c'est une chanteuse. Ah, Angèle, c'est les oreilles qui se plient, je crois. Ah ouais. Ouais. Putain. Eh ben, elle pourrait pas voir Francky. Ouais, ouais. Non, putain, ça me dit une chanteuse chose. Qui a peur de, des bananes française. C'est pas ouais. Philippe Catherine. Lio. Alice. Lio, mais ça commence par L. Oui, je l'ai. Banana Split, oui. Oui. Ça commence par un L. Ouais. Laurie. Pas Laurie. Mais c'est Spooky non, mais... Link. L'âme. Pas l'âme. La Rousseau. En tout cas, il y a. Ah, les références. Chacun, c'est ce que j'allais dire. Les L5, les 5. Leslie. C'est comme ça qu'elles se sont créées. Elle a... Attends, toi aussi t'as peur des bananes? Oh bah viens, on fait un groupe. Ils ont pas fait une seule chanson là-dessus. Leslie, attends. Non. Non, pas Leslie. Récente, contemporaine. Ouais, contemporaine. Elle, fait un... elle sort encore des chansons. Ah, à fond, à fond. Alors, ah bah Louane. Louane, exactement. Louane a peur des bananes. Ça rime donc c'est ouais, vrai. Donc c'est vrai. C'est adorable. De toute façon, ça c'est la vraie chose. Ça rime donc c'est vrai. Vrai. C'est une règle. L'acoustophobie. Les bah, du commandant Cousteau. Bah, de la femme du commandant Cousteau. Les sons Cousteau. Trop forts. Ouais, le bruit, la peur du bruit. La chronométrophobie. Bon, ça, la peur. Il y a plus de piles dans sa montre. Pas... Ça, ça te terrorise. Alors, chrono, le temps, la alors, mantro. Ça, c'est lié au temps, mais c'est pas la peur du temps. Attends, qui passe. Mantro... Temps qui s'arrête, le temps qui... Pas le temps qui s'arrête. Chrono. Attends. Alors, c'est plus terre à terre que ça, vraiment. Ouais. La peur de la de nostalgie. D'une montre qui s'est arrêtée. Pas d'une montre qui s'est arrêtée. Ah, c'est pas... des trucs aussi précis. Ouais. Okay. Non, non, là, c'est pas. C'est un objet. Oh, du retard. Ah, bah des montres, des pendules. Peur des horloges, okay. Effectivement. Peur des horloges. Des théories. Okay. Eh oui, l'antophobie. Les insectes. Oui. Non. Ah. Non. Ah non, mais les gars. Antophobie. D'Anthony Cavana. D'Anthony Cavana. Je suis antophobe. Quand il fait le sabre laser. J'ai très très peur qu'il fait le sabre laser. J'ai peur de faire une coupe. Ah oui, c'est la. Dans les coupes. S'il me le met dans le cœur, je décède. Je le ressens. De mon choix. Je vous faites regarde. Ce que vous voulez. Oh, si vous voulez le mettre dans Evil Dead. Oui, je suis. C'est noté. Il y a pas de vampire normalement, mais bon. C'est dans mes notes. Mais pourquoi pas. Après tout. Prochaine réunion. Bon, on a une proposition. Alors, c'est asseyez-vous. Juste, mais c'est le chat dans Shrek. Hein. Il a eu 6 accents là. Il est plus dans le sud-ouest un peu là. Non, là, il est vraiment devenu madrilène. Il était roumain un peu au début. Hein, au tout début, on l'avait. Moi, il a jamais été roumain. Vraiment, c'est roumain, c'est un accent méditerranéen. Hein, faut pas l'oublier. Hein. Ah bon? Oui, parce que c'est méditerranéen. Les roumains, c'est pas slave. Hein. Ah ouais? Eh oui, sachez-le. Pas slave, le grand frère d'ailleurs. Mais non, mais je sais pas. J'en sais rien en fait. L'avenir nous le dira. Bon, du coup, t'as un titre, je pense. Toi qui voulais sortir du caca pipi, passe-la le grand frère. Pas ça, pourquoi pas. Wow. L'antophobie. La peur des entonnoirs. Non. Non, voilà, mais anto, c'est insecte, ouais. Ah, attends, c'est EN ou AN? AN. Ah, ouais, ouais. C'est bah, EN, ouais. Les insectes. Ouais, bah, de tous les gens qui s'appellent Anthony, quoi. Bon. Non. Alors, attends, anto. Non, du contraire de la. Attends, parce que anto, c'est. Anté. Non, c'est anto, c'est. Ante, c'est l'inverse, ouais. Du conflit? Non. Parce que tu sais, anto, c'est comme antonyme, ça veut dire le contraire. Bien sûr. Donc anto, c'est genre des bagarres, de la violence. Non, je vais vous le donner, j'en ai beaucoup, vous inquiétez pas. C'est la peur des fleurs, tout simplement. Oh, rien pardon, à voir, aucun rapport. Pour ça que je me suis perdu. Oui, bon, écoute. Tu vois cette route aucun sur laquelle je t'ai engagé. Il y a une falaise au bout, c'est et tu ça. Vas tomber. On est censé aller à Nice, t'as pris la route de Bordeaux. je me permets. La xanthophobie. Ce n'est pas la peur des xanthias. Oui, bon, voilà, évidemment. Attends, xanthophobie. Eh oui. Ah, des extraterrestres. Non. Attends, xantho. Bah, c'est de Xanthony Cavana, peut-être. Quand il fait des le sabre laser. Des xantholithiques. Du Xanax. Non, pas du Xanax. Attends, non, c'est trop dur. Bah, alors, si on avait fait grec. Ouais, xantho, c'est une couleur. Ah, le violet. Non. Pourquoi on a dit je sais pas. Le vert. Pas le vert. Vraiment pas. L'orange. Oh non. Le rouge. Votre savoir. Rouge. T'as redit vert deux fois. Bon. Le bleu. Bon. Le bleu. C'est un peu comme le peut-être d'Antoine Decaune. Peut-être. Bon, peut-être. Non, rouge. Je suis malade. Non. Noir. Non. Bleu. Non. Bleu. Non. Blanc. Non. Le rose. Jaune. Je sais plus ce que j'ai dit. La peur du jaune. C'est jaune. La peur du jaune, la peur de la couleur jaune. Très bien. Tout simplement. Comment ils réagissent devant la couleur jaune? Il faut... Tout simplement. Ok. Ça, on peut le mettre dans Evil Dead. Hein. C'est noté. Là, on a créé un personnage qui est xanthophobe, il a peur du jaune. Et il y a un vampire qui arrive. Alors, j'enlève mon sombrero parce que il est fait de paille totalement jaune. Il est jaune. Je commence à avoir envie de faire un t-shirt avec ce personnage. La butyrophobie. Les abeilles. Non. Butyro. Attention, ça commence à devenir, sans vouloir shamer, absolument n'importe quoi, hein, bien sûr. Okay. La peur des petites buttes. La butte aux cailles, par exemple. Effrayante. C'est vrai qu'elle fait flipper. Alors, ce n'est pas la peur des buttes. Imagine, oh, le Seigneur des Anneaux, le début, t'as peur des buttes et tout. Avec les hobbits et tout, putain. Les hobbits. Oh. Moi, Nathalie qui déteste ces blagues, c'est mon préféré. Quand elle fait des oh, après avoir fait une blague, j'ai envie de voir un humoriste sur scène qui fait ça. J'aime pas son propre humour. Je me déteste. Je ne peux pas me regarder dans un miroir le matin. Je me dégoûte. Comme un vampire. C'est vrai. La peur des gardiens de but. Non. Des escargots. Non. C'est un insecte ? C'est pas un insecte. Tu peux redire un animal ? Le butyrophobie. La butyrophobie. C'est un animal ? Pas un animal. C'est quelque chose qui se mange. Oh. Le beurre ? Le beurre. Ah putain. Peur du beurre. Peur du beurre. Peur du beurre, c'est la nouvelle marque. Peur du beurre ? C'est tellement précis. Oh, j'ai eu beurre. Ouais, bien sûr. J'ai peur. Bah, bien sûr. Des fois on les laisse. Des fois on les laisse tous les deux comme ça. De peur. Parce que là vous avez la version peur, coupée, bah ouais. Donc il y a 20 minutes qui ont été coupées par Florent là. Peur de micelle, c'est son biopic. Ah oui, il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui sont peur doux et donc peur de micelle. Alors la nuptaphobie. Là il y a eu un cut. Il y a eu un cut de 20 minutes, je vous le dis. Quand tu fais pas nuit. Non. Attends, pardon, du coup j'ai pas entendu. La nuptaphobie. Anupta. C'est oui, l'apostrophe anuptaphobie. Oui, mais c'est privatif. Donc nupta, ça doit vouloir dire quelque chose. Et c'est l'absence d'un truc. Putain, il est. Hey. Nupta. Il est loin d'être con, hein. Des étoiles. Ah, celui-là. Nupta. Il a même pas répondu à ton truc. Hein. T'as dit étoile, il a fait. Non, ça non. Ça mérite même pas une réponse. Non, j'hésitais. Alors que. J'hésitais à raconter cette anecdote où j'avais posté un extrait d'un sketch que j'avais écrit qui était très très bête. Et quelqu'un m'avait répondu, t'es pas là. J'avais dit, c'est une honte qu'on me qualifie d'auteur alors que j'écris ce genre de truc. Et un mec avait dit, hilarant. T'es pas la moitié d'un auteur. Sauf que moi, vu que j'ai aucune culture, je croyais dire que t'es pas la moitié d'un, ça veut dire t'en es pas un. Ouais, t'es. Ouais. Sauf que le gars me disait, non, bah justement, mais t'en es un. C'est moi qui t'avais dit et d'ailleurs. Et c'est lui qui a parce que pourquoi tu m'as tu l'as agressé, c'est ça. Parce que j'avais, répondu, chez lui, j'avais ouais. répondu en parlant d'un truc qu'il avait fait en disant, oui, mais toi, t'as fait cette merde donc t'as rien à dire. Oui, mais en fait, le truc, c'est que tu m'avais envoyé le tweet du gars. On m'a dit, regarde ce gros con et tout. Et je t'avais dit, mais là, il te fait un compliment. Et t'avais fait, trop tard, je l'ai insulté. Je suis allé le tabasser. Un parfait idiot du village. Voilà tout ce que t'as je suis. T'as supprimé ton tweet ? Non, non, je me suis excusé auprès du gars, je le connaissais, donc ça va. Mais voilà, un bon débilos. Eh oui. Alors, anuptaphobie. Eh oui. Nupta. Ah, du célibat. Ah oui. Putain, il est fort, bien Putain, sûr. Putain, j'étais là sur les trucs nuptiaux. La peur de rester célibataire. Exactement. Eh oui. Mais ça, pareil, ça se traduit par quoi, putain ? Se branler. Non mais du coup tu t'inventes aussi des trucs quoi pour te rassurer quoi. Bah non mais c'est il y a des gens qui supportent pas. Hein. Ah ouais. Oui mais pas supporter c'est pas en avoir la phobie. Oui mais bah après. Phobie, eh, chacun phobie. Trouve son petit chemin. Non mais okay. Phobie ça veut pas forcément dire. C'est ça c'est chérie je te quitte. Remets-toi vite en couple avec moi je suis terrorisé. Oh vite Tinder je reste à Tinder j'ai super mes mains tremblent j'arrive pas à valider. J'arrive pas à swiper. Surtout pas être seul. Surtout pas. La géniophobie. Oh. La peur de moi. Oh. Je peux perdre. Ok, on oublie tout ce qui a à voir avec les génies, d'accord. La géniophobie. Ouais. De l'ADN. C'est une partie du corps. Génome. Ah, peur des parties génitales. Non. Ah. Les genoux. Pas des genoux. Géniophobie. Non, la peur des genoux, c'est la génophobie. Ah. Tu vois, c'est pas loin, mais là c'est la géniophobie. Les articulations ? Pas les articulations. Ceci dit, tu vois, on se moque un peu des phobies des trucs. Les genoux, par exemple, non, moi non, j'aime pas non. qu'on. Non, mais on rigole quoi. Je les humilie, dès que je peux. Je sais ce que j'ai dit. J'aime pas qu'on me touche les genoux, moi par exemple. Ah ouais ? Ouais. Bah, je vais le faire. Non, non ! Oh, allez, on lui touche les genoux. Oh là ! Je vais vous décrire ce qui se passe. Spooky. Florent est au sol. Les deux autres personnes sont au-dessus de lui. Nathalie l'immobilise. Il vomit. Adrien commence à imiter Fernandel. Adrien touche ses genoux. Je lui touche le genou. C'est pas de l'huile de coude ni de l'huile de genou. C'est de l'huile d'olive Puget. Je sais plus où j'en suis là. À ce stade. Je sais pas si c'est Spooky. Il manque le vampire, mais. Ouais, ouais. Oh, c'était un peu. Oui, pour moi, c'est le vampire. Il était un peu là. Fernandel, c'est aussi le vampire. Il était avec nous. Elles sont vraiment bien les émissions du vendredi. Parce qu'il y a toute la semaine qui est passée. Et vraiment, je les aime beaucoup. Là, on, ouais. Ah ouais, c'est bien, quoi. Ça fait du bien. Ok. Attends. Géniaux. Des doigts. Non. Génio... C'est du visage. Les sourcils. Non. Les poils dans le nez. Non. Les oreilles. Non. Allez. Attends, géniaux. Je vous laisse le reste. Vous trois. J'en ai fait 5, c'est bon pour vous. Démerdez-vous. Les tempes. Non. Les lèvres, oh, les lèvres, non, les dents. Non, non, pas les lèvres. On peut trouver avec l'origine. Non, non, ça qui est terrible. Bah, les oreilles. Pommettes, non, c'est le menton, ouais, dit, c'est le menton. Bon, allez. La peur des mentons. Bon, allez, j'ai peur des mentons, c'est bon là. T'énervez pas. Il pensait un petit peu quand même de l'équipe d'Evil Dead. Il fait: ah, Sébastien et Flore, ils ont fait un truc. Qu'est-ce qui se passe? Ils imitent Fernandel. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'était genre. Mais les géniophobes. Pardon. Votre. Sam Raimi. Oui. Ouais. Tu dis, traduisez-moi le podcast. Je veux voir ce qu'ils disent. Je ne vais pas. Bon, allez. Stop. Allô. Annulez Evil Dead là. On met. C'est terminé. Appelez Louis Le Terrier là. Louis Le Terrier tout de suite. Il y aura un vampire jaune. Mais la seule période où ils étaient heureux, les géniophobes, c'est quand il y avait le Covid avec les masques. Oh, oui. Bien vu, Nathalie. Oui, ils aiment bien les barbus parce qu'on on voit pas nos mentons. Ça cache, ça cache. Géraldine. Géraldine, ça cache. Oui, bien sûr. Pas Slav le grand frère. C'est le mieux. La popatodiaphulatophobie. Wow. Il y a déjà il y a 15 faux, préfixes. J'ai imité des trucs. Non, pas du tout. C'est la peur de Scatman, oh. Sur là. Popatodiaphobie. Oui, ouais. Non, mais je l'ai pas mis parce qu'il est connu, mais il y a un mot très long et c'est la peur des mots trop longs. T'avais ah ouais. Si tu l'as, il existe. Ah, c'est drôle. Mais là, c'est la popatodiaphulatophobie. Ouah, wow, mais non, mais allez, qu'est-ce que tu veux? Apopa. Wow. Apopatodia fulatophobie. Déjà, j'essaye d'identifier ce qui est des préfixes et tout. C'est très floodcast. En plus, du caca. Alors, on est autour. Bah, on est autour. Bah, se chier dessus. Non. Oh non. Les pets foireux. Et moi, je connais moi, je connais personne qui a cette phobie. Les pets foireux, j'ai bien. Vraiment. Là, ouais, très sérieusement. Les pets foireux, je me permets une petite nuance. Il a levé l'index. Excusez-moi. Excuse-moi, j'éteins ma pipe. Les pets foireux, non. Je crois que. Je me fais un petit verre de scotch. En anglais, ils disent ça s'appelle shart. Bah c'est oui, shit dans Polly et moi. Fart. Ah, tu n'as pas vu le film Polly et moi? Non. Excellent film pour comédie romantique. Okay. Et c'est Philip Seymour Hoffman qui dit I just sharted. Ouais. C'est très bien. Et faudrait l'équivalent très bon français. C'est pas ce. Bah, dit, c'est pas dans le film, ils disent péchier, mais je trouve que ça marche pas. Ouais. Non, puis la merde. La peur de devoir faire. De déféquer ailleurs que dans des toilettes. Alors, ça, c'est ailleurs une peur que beaucoup de gens ont, effectivement, mais c'est pas ça. Mais ça, c'était le truc qui m'avait surpris. J'en avais non, pas mais la plus peur de chier, tout simplement. Genre, t'aimes pas chier. Non, c'est pas attends, ça. Attends, c'est rapport avec le caca ou pas? Ah oui, bien sûr. Oui, tu l'as dit. Redis pour voir le truc. Bien sûr. Ah, bah, facilité en plus. Ouais. L'apopatodiaphulato. Non, j'ai raté. L'apopatodiaphulatophobie. Peur d'être constipé? Très bonne réponse. Oh. Il a fermé les yeux en plus en disant c'était insupportable. Oui, je suis merde. Il était relié au cosmos au moment de cette réponse. Je peux pas lui en vouloir. Non, je sais pas. En fait, j'ai vraiment pensé drager le fula. Je me suis dit, ça fait drager fuca. Oh là là. Et peut-être que c'est lié. Et... bah, c'est bingo un après. Zèbre. Ouais. Un zèbre, t'as raison. Je sais pas. La nomophobie. Après, un zèbre pour trouver la peur d'être constipé. La nomophobie. Ah. La peur des noms. Non, mais c'est une phobie qui ne pouvait pas exister avant, par exemple, les années 2000. Ah, mais voilà. Putain. Petit indice que je vous donne, Nathalie. Non, mais c'est vrai, regarde. Tu vois La peur des canettes. Non, pas du tout. Tu veux montrer ta canette? Parce qu'il a une canette dans la main. La peur. Je suis un peu comme ça aussi. Ah, j'ai reçu une petite. Faut que je règle le l'IRSEC, quoi, je vous le dis. Oh non, ouais, putain, ça débarque ce truc là. Ces trucs avec plein de lettres où on sait pas qui nous demande 2000 euros là. Ouais, vraiment, putain, j'avais demandé à une. Vous les avez. J'avais demandé à une spécialiste, genre. Mais je comprends pas parce que c'est écrit retraite complémentaire obligatoire. Du coup, c'est complémentaire ou obligatoire fait? Oui. C'est les deux. La réponse c'est souvent oui. Oui. Et en dessous il y a marqué qu'est-ce que tu vas faire? Pas d'interrogation. Je compte pas prendre une retraite pour l'instant. Enfin, j'aimerais bien faire des films. Voilà. Non. Oui, mais même. Faut payer. Faut payer. Et en plus le truc, tu sais qu'il va se péter la gueule dans 40 ans. Ça existe plus. Il part avec ta thune. Et c'est vraiment. Mais malheureusement, c'est le paradis pour les gens qui sont nuls en administration parce que bien c'est sûr. Juste, il y a un lien, tu cliques et t'as payé. La facilité. Moi je voilà. Alors que les autres trucs, il faut que vous rassembliez tous vos justificatifs. Je ne sais pas. J'attends qu'on frappe chez moi et qu'on prenne les meubles. Je comprends pas. Donc oui, la nomophobie, c'est quoi? La peur de tous les appareils tactiles. Oh putain, bah, tu t'approches. Alors c'est pas les appareils tactiles, mais c'est quelque chose de tactile. Tu pensais à quoi? Non, mais aux iPods de nano. Enfin, les petits trucs que tu dois toucher, quoi. Ah, c'est pour ça que t'as pensé de nano. Oui. Pardon, je te comprends, Oui. Oh, une sorcière. Oui. Bon, imaginons, pardon, hein, que cette sorcière entre avec un chat dans une porte qui grince, par exemple, ça ferait quoi? Il y a une sorcière ici ou quoi? Hey, calme-toi, Golominé. Allez. Pas mal. Écoutez, pas mal. Je voyage. Propose qu'on arrête l'épisode là-dessus. Je ferme les yeux. Je veux dire, j'aurais pu faire un floodcast raconte spooky. Ouais, bah ouais, mais il aurait fallu l'écrire. On a mais ni, oui. Ni oui, toi mais... ni moi plus le temps. Donc, si j'ai le temps là. Ah, moi j'ai pas. Elle te demande à ChatGPT ou à Gemini. Oh, mais non, elle connaît tout, toi. Non, mais là on crée les persos et après on fait le floodcast raconte avec le vampire. Allez. Le vampire. On va voir comment il prend quand même. Ce vampire. Pas j'y crois. Je te rappelle que. Paquito a pris la parodie du Joker contre toute attente. Où t'avais la voix cassée, rappelons-le quand c'est même. Vrai, c'est t'avais vrai. La voix complètement brisée. La nomophobie. C'était très drôle, t'étais vraiment pas loin, Nathalie, c'est dommage. Bah, c'est un rapport avec la technologie. C'est la peur d'être séparé de son téléphone portable. Oh, et oui. Je l'ai. Genre, ça te ferait peur? Non. Ouais, voilà. Non, mais il y a. Pff, non, ça me fait pas peur. C'est ton fils ta bataille, cela dit. Ouais. Bien sûr. Est-ce que, alors, vous connaissez les loups-garous? Bien sûr. Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot garou? Eh bah tiens. Ah, tu vois? J'étais pas peu fier de celle-là. Ah putain, attends. Ce qui attends. Veut dire que quand vous le saurez, vous saurez la signification du prénom du chanteur. Alors attends, on peut deviner. Du qui coup, se c'est... change. Alors, pas qui se change. Alors, c'est un truc du monstrueux. Du latin garoum. C'est pas monstrueux, mais ça vient. Alors. C'est pas du latin, mais effectivement, ça vient de l'ancienne. Non, mais attends, loup-garou de base, c'est pas les gens qui se changent en loup. Loup-garou de base, c'est juste des immenses loups. La base de loup-garou. Tu me regardes, j'en ai aucune idée. Est-ce que ça va dans le sens de la réponse qu'il dit ou pas? Alors, du tout parce que c'est les lycanthropes, les hommes qui se changent en loup-garou. En loup, pardon. Alors, en fait. Tu t'approches d'une certaine manière, mais je ne saurais répondre à ta question. Voilà, c'est toujours un peu garou, chiant. Est-ce que ça veut dire un monstre? Non, mais ça veut dire un truc monstrueux. Par exemple, dans le Trône de Fer, bien sûr. Qui est le bouquin à la base de Game of Thrones, les loups s'appellent loups-garous. Ah ouais, tiens. Qui sont juste des immenses loups, mais ils s'appellent tous loups-garous. Mais en fait, c'est marrant parce que t'es pas loup. C'est de l'appropriation culturelle pour moi. Vous êtes juste des loups. Alors. Non, est-ce que ça veut dire, je sais pas, esprit? Non. Loup-garou. C'est un peu un la réponse est un peu spooky. Oui. Alors déjà les spooky, maléfique. Je préfère vous le dire. Maléfique. Non, mais en fait ça va vous. Ah, ça veut pas dire tueur. Non. Ou assassin. Non. Non, ça veut pas dire assassin. Très agressif, très méchant. Non. Très méchant. Non. pas garou. Mignon du tout. Pas. Non, mais est-ce du coup c'est... ça crée. Ça veut dire que le. C'est un gros indice que je vous donne, mais quand vous connaissez la définition, ce que veut dire garou, ça nique un peu le mot loup-garou. Ça devient un peu un non-sens. De dire loup-garou. Ah, oui. Bah, ça doit vouloir dire du affectueux. Coup. Affectueux. Ouais, j'allais dire ami. Ça veut dire renard. Donc, non, pas du tout. Non, mais ami. C'est comme les gens qui disent au jour d'aujourd'hui. Mm. En sachant que aujourd'hui veut déjà veut dire au jour de ce jour, en fait. Et donc, alors, le garou voudrait dire aussi loup, et c'est le loulou, en fait. Ce qui est très mignon. C'est la très bonne réponse. Ah. Non, garou veut dire loup-garou. C'est-à-dire que le mot garou, à la base, c'est pour parler des hommes loups. C'est comme. Oh, mais c'est un nom, ça. C'est un pléonasme, un peu. Non, en fait. C'est un. Si, non, c'est aussi mais... un pléonasme. Non, mais il y a un nom, c'est. Et garou, c'est un mot français, du coup. Ça vient d'un ancien français, ouais. Oh, tu sais, c'est comme en anglais, quand on dit pin number, bah en fait, vous voyez ce que c'est le pin? Oui. Bah en fait, le N de pin, ça veut dire number. Donc, ah, oui. Pin number, oui, on répète le truc, mais c'est un nom, ça. Ouais, ouais. C'est bah comme quand tu dis ATM machine, etc. On dit le hit machine, en fait. Le hit machine. Si tu t'appelles Charlie et que je m'appelle Lulu, je veux dire. Bien sûr. Alors, ça veut dire loup-garou, homme-loup. Donc, quand on dit loup-garou, en fait, on dit loup-homme-loup, loup-loup-garou, voilà, tout simplement. J'aime beaucoup. Alors, si je vous dis Halloween et que je vous dis 1,6 milliard d'euros dépensés chaque année aux États-Unis, à votre avis. La déco. Pas la déco. Les bonbons. Oui, très bonne réponse. Des bonbons. Des bonbons. Les bonbons. À l'huile d'olive. Ils sont tous tombés par terre. Monsieur Yonet, il est piquant, il y a de la. J'ai du piment dedans. Oh non, il y a de la gélatine de porc. Monsieur Antoine. Oh, le scouville dans le bonbon. Nathalie, elle est mignonne, elle veut qu'on sache qu'elle rigole, alors elle colle sa bouche au micro. Ce son-là, vous saurez que c'est Nathalie qui rigole. On va isoler le son, on va le garder, ça aussi est Evil Dead direct, hein. Je te le dis tout de suite. Et alors, petite question comme ça, quel est vos bonbons préférés? C'est quoi vos bonbons que, voilà, c'est... Ah ouais? Je trouve la gélatine de porc. Attends, je trouve piquant ou je trouve pas piquant? Mais comment c'est? Il y a des schtroumpfs. Il y a les schtroumpfs piquants, les schtroumpfs qui piquent. Ah oui, non, non. Non, les schtroumpfs normaux, toi. Soft. C'est ça. Mais ça, c'est assez fou. C'est les seuls qu'on réussisse. J'allais dire, putain, j'ai raté le mot. Ouais, non, mais. De la gélatine. Non, mais d'être multicasquette un peu. C'est le seul personnage de BD qui est un bonbon également. Bah oui, il y en a pas d'autres de trucs de pop culture qui sont devenus des bonbons que tu peux bouffer quand même, les schtroumpfs. Ouais, ouais. Bah ouais. Attends, parce que là, mais il croise les bras parce qu'il a envie de me tester. Ah, il y a Steph le faux plat. Le personnage de Steph le faux plat, la BD. C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui. Qui est devenu un bonbon. C'est une BD belge. Steph le faux plat. Le faux plat. Une bonne petite BD qui sort là pour Noël. Steph le faux plat. C'est en 3K, c'est comme Garfield. C'est vraiment. Il se passe trop de temps. Prochain match de podcast. Toi, la podcast présente Steph le faux plat. C'était comme les BD Bigard ou Caméra Café. Allez, je le fais. Donc, ouais, les schtroumpfs. Les schtroumpfs sont très appréciés, je sais. Moi, je mange pas trop de bonbons. Moi, je suis très presque à Gada pour moi. Jamais de ma vie, je mange des bonbons. Ah, t'as pas bonbons? Jamais. Non, mais ils surveillent beaucoup. Ils surveillent. Mais quand t'étais petit, tu devais avoir. Non, mais le goût des Malabar reste encore bien ancré dans mon cerveau. On gratte un peu et puis tu vois. La glace Malabar qui était archi dangereuse, là, elle reste encore aussi. Dangereux. Parce qu'il y avait un Malabar caché à la fin. Ah oui, il y a des gosses. Et tu pouvais, il y a un gosse qui l'a avalé, ouais. Ah oui. Mais c'est comme les Kinder Surprise où en Allemagne, pareil, ils ont changé parce qu'il y a un petit qui est dead. L'œuf Kinder, maintenant, il y a un petit comme les bouteilles d'eau. Ouais. Tu sais, il y a un truc qui. Parce qu'on les ouvrait tous dans la bouche en faisant clac et ça t'envoie un. Et ils mettaient de l'anthrax dedans, ils ont dit bon, on va arrêter de. On va arrêter du coup, on va changer. Dans la glotte direct. Adrien, tes bonbons préférés? Alors maintenant que t'es devenu vegan, il y a beaucoup de gélatine de porc. Ouais, mais de par exemple les putain, comment ça s'appelle, les crémas là, les crémas. Ah oui, les crémas, classiques, ouais. Ils sont les pimousses. Et ouais, je crois. Et bah ils sont vegan maintenant. Il y a plus de gélatine dedans. Il y en a pas mal. Mais moi j'aime bien les Scooby-Doo. Oh tiens. Les fils là, ouais. Ils sont bons. Et j'aime bien les Philly tubes aussi. Ah, c'est quoi les Philly tubes? Je les connais pas. Philly tubes, c'est des tubes roses. Ah oui, je vois. Avec des trucs dedans là. Ouais, ouais. C'est ça, mais ça pareil, il n'y en a pas des qui piquent. J'ai l'impression qu'il y en a existé des. Oui. Ah oui, non, ceux qui piquent, c'est les trucs arc-en-ciel plats. Ça c'est les flexifix. Ouais, voilà. Les a tous. Ouais, mais bah, et c'est que des noms de rappeurs pas ouf des années 90. Je suis avec Flexitube et Flexifix. Oui, Flexitube. Ah ouais, bah moi je suis Flexifix. C'est drôle. Et d'ailleurs, je sens que ça va rapper vite. Et un petit tips pour les véganes qui veulent petit manger tips des qui sont aussi des bonbons qui sont aussi un rappeur pas ouf. Non, pour les véganes qui veulent manger des fraises tagada, enfin des bonbons qui ressemblent manger aux fraises des tagada, fraises directement. Et, ou les bananes là, ouais. Et ben dans les magasins hyper cachers, il y a des imitations de fraises tagada et des bonbons bananes qui sont véganes. D'accord. Mmh. Luan voilà. Pourra pas les manger, mais pour le reste des gens. Pour les fraises, oui. Les fraises, elle pourra, oui, ouais. Bien sûr. Mais bien vu. Pour Luan, si tu nous écoutes vraiment. Elle nous écoute, c'est une des plus grandes fans. Attention. Bien sûr que non. J'ai une dernière question et après on passera aux recommandations. Oh, alors, déjà fini. Bah, j'ai même pas pensé. J'ai même pas peur. J'ai eu très peu peur. Ouais. Je peux essayer d'en faire deux. Ouais, j'en fais deux. Allez, j'en fais deux. Mais j'en ai un qui peut être un peu long, mais qui peut nous faire parler un peu de cinéma. Allez, ça peut être quelque chose. Ça peut être excellent. Voilà. Samuel Lestet est un psychiatre belge qui a recruté 10 de ses collègues experts et ensemble, ils ont entrepris d'analyser plus de 400 films sortis entre 1915 et 2010 pour analyser le comportement de chaque méchant et découvrir lequel d'entre eux est le plus réaliste dans son comportement de psychopathe. Hannibal Lecter. Alors, ce n'est pas Hannibal Lecter. Sachant que là, la réponse n'est pas quelqu'un interviewé par Guillaume Play, je tiens à le dire. Et à votre avis, quel est le psychopathe le plus crédible? C'est hyper intéressant. Tu pisses sur des gosses. Ah, d'accord. C'est pas Hannibal Lecter. Ouais. C'est pas Hannibal Lecter. Hannibal Lecter, j'ai même une petite phrase de la recherche qui dit qu'en fait, il a trop de trucs psychopathe mélangé pour que ce soit crédible en fait. Ah. Il aime bien manipuler, mais en même temps être cannibale, c'est pas vraiment ça. Bah, enfin, okay, voilà, il y a un truc oui. qui apparemment matche pas. L'assassin dans Seven. Pas l'assassin dans Seven. Moi, celui de No Country for Old Men. Très bonne réponse. Ouais, je le sentais. Eh oui, Javier Bardem. Je l'ai pas vu. Mais... Selon les non, mais c'est le marrant parce que là, désolé, je te. Vas-y. Non, mais vas-y. Parce que j'allais avoir une recommandation sur Cormac McCarthy qui a écrit le bouquin de base. Et du coup, je suis en plein dedans en ce moment. Donc, je me disais, en le lisant ce gars-là, qu'il était quand même archi bien écrit et bien foutu. Cormac McCarthy, c'est lui qui a écrit La route quartier. Aussi ou la pas la route aussi, ouais. Ouais. Un mec, quand tu lis ses bouquins, tu dis putain, non, mais t'as la pêche, mon pote! T'as envie de crever, oh là là, mais ouais, faisons le nouvel ensemble, ça tue! Donc, le méchant de No Country for Old Men qui, selon l'équipe, est la définition du psychopathe classique. Pour Anton Chigurh, le meurtre est la chose la plus normale au monde. Il n'a aucun problème à tuer quiconque le croise et il est effectivement résistant à toute forme d'émotion humaine. Donc, c'est ce qui ressemble le plus. Donc, vous avez trouvé le numéro 1, alors il y en a d'autres. Le numéro 2, je pense pas que vous le trouveriez, c'est le tueur d'enfants dans M le Maudit. Oui, le troisième, c'est Henri dans Portrait d'un Serial Killer. Dans alors, la chanson Le Chanteur de Balavoine. Qui est un pur psychopathe. Hein, voilà. Partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi. Ouais, ouais, un psychopathe. Un psychopathe. Ah, super intéressant, tu veux qu'on parle de toi. Ah ouais, ouais, c'est très intéressant. Et les deux dernières, c'est des femmes et vous pouvez les trouver parce que c'est de la pop culture assez. Assez Misery. Cinquième, effectivement, Annie Wilkes. Whiskas. Ouais. Ou alors, tu aimais mon livre. Et la dernière, psychopathe déjà. Je suis au même niveau que toi, du coup je me suis fait mal. J'attendais les croquettes qui tombent par terre. Pour que merde. Et la quatrième, dans les 90s, une psychopathe célèbre des 90s. Wow. Ah, dans Natural Born Killer. Non, pas Juliette Lewis. Dans un film Cruella. Pas Cruella, dans un film que c'est gênant de le mater avec quelqu'un de sa famille. Ça baise. Liaison fatale. Non, pas Liaison fatale. Basic Instinct. Sharon Stone dans Basic Instinct. Pique à glace. Et évidemment. Ouais. Évidemment. Elle est vraiment devenue une véritable psychopathe. Pique à glace. C'est quoi, vous, votre méchant préféré du cinéma, celui qui vous fait. Ah, moi j'avais adoré Freddy Krueger quand même. Bah ouais. C'est vrai qu'il était. Moi j'y reviens souvent à Freddy Krueger en me disant c'est quand même un peu le monstre ultime. Il est créatif, quoi, dans ses manières de tuer, je trouve. Créatif, et il est dans tes cauchemars. Tu peux rien faire. Ouais, oui, en fait, l'idée de génie du premier Freddy, c'est... Du coup, ils se disent, bon, bah, vas-y, on dort pas. Et donc, du coup, c'est encore pire. Ils sont dans un état léthargique et ils finissent toujours par s'endormir. Ça, j'avais trouvé ça génial. Je crois que je suis pas original du tout parce que je parle encore de Gladiator, mais Commode, il y a un truc qui est... archi bien écrit en lui et enfin c'est juste chaud c'est Joaquin Phoenix Commode, il est juste un peu dur à monter, il ça Commode. Faut être deux pour le faire, c'est juste ça qui est chiant. Il s'appelle Commodus, mais il est pas Commode. Et il est pas Commode en plus, c'est vrai. Non, mais il est éperdument amoureux en fait de sa propre sœur, mais du coup il en souffre parce qu'évidemment il a pas le droit, il le sait et oui. Ah, oh, pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on n'a pas le droit. Il n'y a pas le droit. Visiblement. Non, non, mais d'accord, très bien. Mais parce que c'était peut-être un peu plus répandu pendant la Rome antique. Oui, c'est ça. Et on sent en fait énormément de souffrance et je trouve qu'il a vraiment catché le perso. Enfin, tu vois ses cernes, vraiment sa tête qui se dégrade au fur et à mesure du film. Oui, et c'est le Joker. C'est bouleversant, quoi. Bah, Adrien Méniel, toi, c'est le Joker, effectivement. C'est le Joker, bien sûr. Je m'identifie à fond. Qui, du coup, qui est. Tu as adoré le sourire. Mais par exemple, en société, comment ça se traduit par quoi? Mais tu sais qu'en plus, j'ai hâte qu'on fasse quand même le teuf de fin d'année comme on fait chaque fois, parce qu'il y a le 2 qui est sorti où il chante. Donc là. Je me présente, je m'appelle Henri. Ah, je cherchais une chanson anglaise. Tu m'as dit qu'il faisait ne me quitte pas, parce que moi je l'ai pas vu. Ouais, il chante Ne me quitte pas, enfin il le fait en anglais et après il passe un peu en français. Il y a beaucoup de chansons dans Joker 2, ça chante énormément. Ah bon, parce que moi on m'a dit pas tant que ça justement. Bah c'est pas une comédie musicale non plus, mais ça chante beaucoup. Il y a Lose Yourself aussi, de Eminem. Hein. C'est vrai, ça chante beaucoup. Non, c'est pas. Bon, t'as Joker qui rappe. De toute façon, c'est nul, il paraît. Donc il parle des mums spaghetti, les renverse et là le Dracula il fait. Voilà. Son quitte en plus, elle se sépare pas. Mes gros doigts, vous avez mis pas. De l'huile d'olive dans l'eau de la cuisson alors que ça sert à rien. Il faut la mettre après la cuisson. Attention aux Italiens qui écoutent ça et qui sont vraiment pour. Ah bah attention, attention, faut pas les découper. Non mais parce que attention. Il faut pas mettre l'huile d'olive dans l'eau de cuisson, ça ne sert à rien. Ah, ah bon ça, madarone, attention. Bah oui, mais elle est italienne, non oui, si si. Elle est italienne. Oui. Ah, oui, nous emmerde les Italiens. Sur internet. Elle est pas comme ça. Il faut pas couper les pâtes. On fait ce qu'on veut en fait. Voilà, tout simplement. Maman, si tu nous écoutes, voilà, c'est assez Adrien, c'est un mec. Alors chez toi, comment? Bah je t'ai agressé. Et toi là, lâche ma gorge en fait. Et tu l'as dit, toi, Nathalie? Oui, elle a dit Freddy. J'ai dit. Ah, bah oui, mais moi, sûr, je suis un peu comme toi, c'est Freddy. Mais moi, je cherche. Ah oui. J'avoue que je. Moi, c'est... Mais après, la folie collective Trusty aussi, genre Midsommar. Oui. Terrifiant, les toi, sectes. Toi, t'avais adoré Midsommar. J'ai adoré. Mais 5 sur 5. Vermine 4 sur 5. Non, alors, vu qu'il me fait des cacas nerveux, j'ai mis 4,5 maintenant. Bon, il y a 0,5 pour. Bon, bah, on sait pas, elle me le dira pas. Mais parce que 5, c'est mes films préférés au monde. Mais bien sûr, évidemment. Mais attends, c'est juste une toute petite sélection. collection très exclusive. Evil Dead sera 5 sur 5. Midsommar, ça a été moi la séance de ciné la plus c'est très dérangeant. Étrange de ma vie. Ah ouais, c'est bizarre. Bah, en fait, ça dure aussi 2h40, enfin ou 2h30, c'est long. Oui, ça t'enfonce dans le malaise. C'est et ça, puis, et du coup, ça commence à rigoler un peu nerveusement parce qu'il faut créer quelque chose dans ton cerveau. Tu vois. The Witch, c'est pareil, c'était vraiment la période A24 où ils nous sortaient The Witch, Hérédité, machin, Midsommar, tout sortait et vraiment il y avait des séances de ciné un peu compliquées. Ouais. Bah, là, moi je suis allé voir Terrifier 3. Qui a rien à voir, mais je suis allé au cinéma le voir et c'est, en gros, c'est un film avec un clown tueur, mais c'est interdit de 18 ans, parce que c'est très très très très violent, mais ça fait pas du tout peur, c'est juste de la violence, c'est du body horror, mais c'est moins 18 parce qu'apparemment c'est un enfant qui est buté, c'est ça, mais en fait ça pas vraiment au début. Il y a des enfants qui sont butés hors champ, mais rien de bien méchant, mais il y a des vraiment trucs très graphiques. Il tue un couple dans une douche à un moment, et donc le gars il lui coupe des bras, des jambes, des trucs, et après quand il est par terre sur le ventre, il lui met la tronçonneuse dans le cul et il remonte jusqu'à la nuque. Et en gros tu vois vraiment le corps séparé en deux, tu vois les c'est quoi, c'est quel film ça, ça c'est Garfield 2 le film qu'on est avec la voix de Garfield. J'allais dire Coé. non c'est vraiment c'est Terrifier 3, c'est le film d'horreur qui va atteindre ses 500 000 entrées là, ouais, qui cartonne parce que les gens veulent voir vu que c'est interdit moins de 18 ans et tout, mais c'est pas c'est assez, moi en tout cas ça me fait malheureusement rien du tout. mais c'est vraiment grand guignol et donc c'est crado, mais c'est pas bon. Écoutez les amis, c'est bientôt la fin de ce podcast et comme à l'accoutumée on va faire des recommandations culturelles, quelque chose pas du tout prévu. Et pourquoi pas des recommandations culturelles, peut-être Halloween. Halloween. Sais que sur ton letterbox, Nathalie regarde beaucoup. Moi, je suis la sorcière du web. Et dans Twitch, il y a Witch. C'est vrai. Des jeux d'horreur, peut-être, éventuellement. Quand tu la sub, eh bien, quelqu'un meurt. Non, pas du tout. Je me suis rendu compte que quelqu'un meurt aléatoirement sur Terre. Non, mais je sais que moi, je te suis sur Letterboxd, Nathalie, et tu regardes beaucoup de films d'horreur, en vrai. Putain, mais je retiens pas tout. Ah, bah, d'accord, donc film d'horreur, j'avais adoré Creep. Oui, bien sûr. Le 1. Ils ont Netflix, le 2, je crois. Mais oui, j'avais adoré parce que du coup, c'est un gars qui. Mais j'ai déjà parlé ici de ça. Non, ah ouais ? Je me souviens plus. Donc c'est quelqu'un qui demande à ce qu'on le suive dans son quotidien pour faire un documentaire sur lui, sauf que le gars est complètement flippant et chelou. C'est ça. Et la fin, elle est ignoble. C'est un plan séquence terrifiant. Et du coup, j'aime beaucoup parce que c'est très réaliste, quoi. Ok. Magnifique. Mais je vois, oui, que t'as vu The First Omen, que t'as l'air d'avoir bien aimé. Je suis sur ton Letterboxd, hein, je vous le dis. Hein. The First Omen. Ah oui, ça c'était. Non, mais ça c'était dans un avion. Ah oui. Moi aussi, je l'ai mis dans l'avion. Il y a c'était plus de mots. The First Omen. Non, Omer, j'ai Homer Simpson. Non, j'ai fait Marge Simpson. Ah, t'as été. Oh putain. Oulala, The First Omen. Voilà, merci. En tout cas, le roi a eu 5 étoiles, Sébastien. Chétan. Alors, Chétan, oui. Tu te fous de moi, t'as mis 5 étoiles à Flo et moi j'ai 4,5. Le roi a 5 étoiles. Non, 4 à la base. Le demi, c'est pas que t'as réclamé. Moi j'ai eu 5 et j'ai rien demandé, ça m'a fait plaisir. Non, mais je suis sortie en larmes. Okay. T'as vu dans quel état je suis sortie? Ça, c'est la team studio bagueule. Fallait me ramasser à la petite cuillère. Mais non, mais sinon, un jeu vidéo qui fait un peu peur. J'avais adoré jouer à Platform 8. En fait, t'es dans un espèce de train au Japon et c'est toujours le même wagon que tu vas traverser. Mais le premier wagon est une sorte de témoin, enfin de wagon témoin où tu dois retrouver ça à chaque fois. Et quand tu passes dans le suivant, tu vas retrouver le même, mais il y aura un petit détail qui va clocher et tu dois repérer lequel. Et des fois, c'est vraiment très subtil, mais parfois ça peut être un gros fantôme, un reflet dans une vitre, et quand tu le t'en aperçois, c'est assez flippant, quoi. Et okay. Tu ferais quel bruit, par exemple? Ah oui, voilà, c'est ça. Hein. Il y a deux écoles. Hein. Ça, c'était le wagon qui s'arrête. En gare. Ah oui, là, je vois des images, oui, ça a l'air un peu flippant. Non, mais c'est génial. Ça a l'air très bien. Mais c'est des petits tu détails. Tu l'as joué sur Twitch, celui-là? Bien sûr. Ah, trop bien. J'ai vu que tu faisais Last of Us aussi en ce moment. Ah oui, dans une ambiance un peu horreur. Le 1 ou le 2? Le premier. Okay. Le premier. Mais alors, je suis nulle en visée. Et du coup, quand faire des headshots, c'est très compliqué pour moi. T'arriverais à faire le bruit des clickers? Bien sûr. Allez, c'est dur là. Je peux rien faire, il n'y a rien qui sort. Ouais, ouais. Rien ne sort. On était deux, c'est pas rien tout seul parce que là c'est chaud. Après, il peut faire des trucs de dingue, ce mec. Sébastien Vanitschek. Je l'ai dit tout à l'heure un peu, moi je retombe dans Cormac McCarthy, ouais, un peu après avoir revu La Route. Et j'adore ces. L'adaptation, je la trouve excellente et j'adore ces trucs qui ont vraiment 10 000 couches. Toi qui aimes le dessin, mon bonbon Sébastien, est-ce que tu l'adaptation, l'as vu? Évidemment. De Manuel Arsenet? Ah non, La Route. Ouais, oui, c'est, oui, c'est magnifique. C'est beau, hein. Ah, ouais, putain, c'est très, très beau. Il est quand même. très très fort, ce gars. Et puis il a fait un combini, je crois, où il explique aussi comment il plaçait sa ligne d'horizon, comment il dessinait. Et vraiment, c'est le dessin dans cette BD est ouf. Parce que moi, il avait fait sa BD pour laquelle il est devenu Blast. Alors il y a eu celle-là, mais même avant celle-là, il y avait la vie ordinaire, le combat ordinaire, pardon. Le combat ordinaire. Le combat ordinaire, donc qui était un truc plus dans le dessin, un petit peu plus bon, cartoon, c'est nul comme mot, mais en tout cas, voilà, avec des gros nez, des trucs comme ça, et qui était déjà une incroyable bande dessinée. Et putain, la façon dont il se réinvente à chaque fois, c'est assez dingue, quoi. Et là, effectivement, son adaptation de La Route, c'est incroyable. En fait, le quoi. Noir et blanc, c'est un truc qui est, c'est un art vraiment que je trouve qui est magnifiquement maîtrisé. Et dans l'étalonnage de La Route, le film, l'adaptation. Ouais. Et donc, du coup, je me suis. Et dans la BD, je voulais dire. Et je me replonge un peu là-dedans. Et ça, et c'est très lié à Berserk aussi, dans lequel je suis vraiment à fond en ce moment. L'animé et les deux, ou le manga? Non, non, le manga. Le manga. Et en fait, les deux, de ce que ça raconte sur l'être humain et tout, en tout cas pour moi en ce moment, c'est des choses qui sont assez importantes. Ouais. Je trouve que, tu vois, on en parlait tout à l'heure un peu sur le temps, etc., la vanité humaine et en fait le sens des choses. Parce que La Route, ça parle que de ça, c'est trouver un sens dans un monde qu'on n'a plus aucun. Ouais. Et essayer parfois de vouloir donner des raisons et des explications à des choses où en fait t'en trouveras jamais. Et de vivre avec ce deuil là en fait. Donc sans vouloir dire le mot deuil, c'est vraiment des choses pour moi, Berserk et Cormac McCarthy, leur œuvre complète quoi, qui parle de l'acceptation d'un certain style de deuil qu'on doit faire à partir du moment où on est et qu'on est sur cette planète, de beaucoup de choses. Et sinon, on a eu la chance, toi et moi, de voir The Substance, qui va sortir dans pas très longtemps. Super film. Et en vrai, techniquement, c'est ma grosse claque de l'année. Elle a eu 2 ans de post-prod, ça m'aurait vénère si je l'avais pas vue à l'image, mais là, je peux dire que les 2 ans, ils se sentent. Elle est archi forte et c'est vraiment énervé quoi. Elle, c'est la réalisatrice et scénariste, elle a tout fait toute seule. Coralie Farja, qui avait fait un film qui s'appelait Revenge, qui était vachement bien aussi, un film un peu d'action, Revenge, enfin comme son titre l'indique, mais d'une meuf qui se venge de ses agresseurs. Et The Substance, ça, avec Demi Moore, et alors j'oublie tout le temps le nom de la deuxième. Margaret quelque chose. Ouais, je vais la retrouver, qui est une super actrice en plus. Margaret Qualley. Ou Quelly, je ne sais pas. Qui était dans Kind of Kindness, qui était Once dans Upon a Time in Hollywood. Pauvre créature, et qui était la pub Kenzo où elle dansait. Ouais, oui. Qui faisait clac, clac, clac. Ah, exact, bien joué. Voilà. Et elle, c'est une super actrice aussi, et le binôme marche trop bien, et c'est un super film. Même si vous n'êtes pas film de genre ou quoi, en fait, il y a un truc où, si ça vous fait kiffer de vivre physiquement des films, là, on se le prend dans la tête un peu à la Requiem for a Dream, quoi. On sort de la salle, on fait Ouais, il y a plein de choses. Parce que non. Oh, l'huile d'olive, c'est très bizarre, mais on fait ça à la sortie du film. Non, mais oui, c'est incroyable le film, parce que ça se coupe plein de choses chez soi. Et en même temps, c'est un peu drôle aussi des fois. Enfin, il y a plein de choses. En tout cas, c'est très assumé. Ça va où on veut que ça aille. Et faut rien dire sur un peu l'histoire et tout, parce que c'est gâché déjà un peu. Moi, je trouve en tout cas. Faut y aller en se disant ça va être une expérience. Et puis de ouf. Je trouve pas que le pitch et les choses comme ça permettent de vraiment comprendre ce qu'on va. Faut y aller en se disant je vais vivre une expérience de cinéma un peu folle. Exactement. Après, c'est un peu hardcore et tout. Attention, faut être avoir le cœur bien. Il y a beaucoup de body horror. Ouais. C'est même le concept. C'est un de base. Peu le concept. Voilà. Mais c'est vachement bien. Et big up du coup à la maquilleuse de ce film-là, qui était la maquilleuse de Vermine et qui est extraordinaire. Très très forte. La petite clochette. Bien sûr, très très forte. Moi, quant à moi, je vais vous conseiller une série de podcasts de Jérôme Lachasse, qui travaille pour BFM TV. Sur le web, enfin BFM Web. En gros, il fait ça depuis quelques années maintenant. Il sort des podcasts sur la comédie française et des articles. Il fait les deux en binôme. Et il s'attaque autant aux films cultes, donc les Père Noël est une ordure, les Sous-doués, etc., qu'aux films qui sont un peu téplants. Il avait fait ça sur sur Bad Buzz d'Éric Quentin. Il avait fait ça sur. C'est planté ça. Sur le Baltringue, sur plein de films comme ça. Donc c'est toujours intéressant, et les échecs et les succès, et ils veulent interviewer les gens qui viennent parler, tu vois, trop bien. Qui reviennent sur le truc. Je crois que sur Bad Buzz c'est le réalisateur, le scénariste qui reviennent sur putain, le truc, etc. Et donc c'est et en article et en podcast, et c'est super intéressant. Et là je sais que, alors j'ai pas encore écouté, parce que quand vous écouterez ce podcast, il commencera la nouvelle saison de ce truc là. Je sais plus comment il s'appelle son podcast, je suis désolé, mais vous tapez en gros BFM Comédie Française ou Jérôme Lachasse Comédie Française et vous trouverez. Et là sur cette saison, il y a plein de films très cool, puisqu'il va faire La Vérité Sigement, le préquel, quand ils avaient refait le préquel avec des jeunes acteurs. Oh ouais. Les 11 commandements, Quasimodo del Paris, Babysitting, Hollywood, Radin, Si j'étais un homme d'Audrey Dana. Les 11 commandements, ça s'est planté. Non, parce que c'est pas que des plantades, c'est aussi des films cultes, Babysitting par exemple, ça avait cartonné. Ah ok, j'ai rien compris. Et non mais voilà, il fait les deux. Voilà, c'est ça qui est super intéressant. Ou Delphine 1, Yvan 0, on en parlait il y a pas si longtemps, de Dominique Farrugia, écrit par Aznavicius. Donc voilà, c'est vachement bien, c'est toujours ultra intéressant. Moi, je suis toujours fasciné sur les coulisses des films et qui fasse autant les succès que les échecs, c'est super intéressant. Donc je vous conseille d'écouter ces podcasts ou de lire les articles, ça qui est trop bien. Si vous n'êtes pas très podcast, vous pouvez lire sur le site et inversement. Donc c'est très très cool. Adrien Méniel. Bah moi je vais faire une reco qui est pas très originale parce que tout le monde en parle et tout ça, mais DJ Mehdi bien sûr. Non, c'est un peu le DJ Mehdi ouais, de maintenant, ce mais c'est ouais. Les Loups-Garous. Bah ouais. L'émission ah, Les Loups-Garous. Et non pas le film Netflix parce que là, ils ont quand même pas de bol. Oui. Le même, quasiment le même truc. T'as la série des Loups-Garous sur Canal de Panayotis et Farid et le film Loup-Garou avec Dubosc et Jean Reno. Et voilà. T'as les traites d'M6 et sur TF1 t'as qui est le maître, maître du jeu. Jeu. Ouais, c'est ça. C'est mais non, ouais, les Loups-Garous. Alors que moi, je n'aime pas du tout le. Enfin, en tout cas, j'aime pas jouer aux Loups-Garous. Ouais. Trop. Mais c'est vrai qu'à regarder, c'est vraiment trop bien. Et même les trucs où je me disais, ah, oh, est-ce que ça va fonctionner ça? Genre, je le dis, Mister V en voix off, je me disais, ah, oh, est-ce que je vais réussir à rentrer dedans alors que c'est la voix d'Ivic, il y a un côté un peu. Bah, puis qui fait des blagues. Qui fait des ouais. blagues, et puis bah, je le connais et tout, donc ouais. est-ce que ça va me sortir du truc? Non, ça marche très bien. C'est très bien raconté. Et oui, t'as, tout de suite, tu fais des théories, tu dis ah mais lui, il a dit ça. Puis aussi, oui non, vas-y. Non, justement, j'ai une question justement allant dans ce sens. Est-ce que tu sais toi les identités ou pas trop? Alors, parce que moi j'ai pas vu un épisode encore. En fait, ils dévoilent petit à petit. D'accord. Là, moi j'en ai regardé, oh, je sais plus. En fait, ils dévoilent petit à petit. Ils c'est disent, ça. Telle personne est villageois, telle personne est loup-garou. Ils te laissent juste avec ces infos là pendant un moment, puis après ils te disent et un tel est aussi ouais. tel rôle, etc. Enfin, oui, donc c'est vraiment de la narration. Voilà, bah, ouais. parce que c'est vrai que si tu regardes en sachant rien, c'est pas très intéressant. Bah, c'est ça. Si tu regardes en sachant tout, c'est chiant aussi. Ouais. Donc ils arrivent, ils gèrent bien ça, quoi, les infos qu'ils te donnent et tout. Et c'est marrant que tu dises ça parce que j'en ai parlé à donc ma compagne travaille un peu avec Squeezie, McFly et tout, et je lui ai dit sur les imposteurs, ce serait parce que là récemment dans les imposteurs, il y avait un des imposteurs, je le connaissais moi. C'était Griffo qui fait bien les effets sûr. Spéciaux. Et en fait de voir une manche des imposteurs en sachant qui est l'imposteur. Ça m'a complètement changé la façon de regarder les imposteurs de Squeezie. Oui. Et je dis, ah, enfin, je me suis permis de lui dire, elle ne m'écoutera sûrement pas, mais je me suis permis de lui dire, ah, ce serait cool dès que, peut-être pour rechanger un peu la formule, à un moment, tu sais qui est l'imposteur et tu vois les invités galérer parce que ça, c'est très marrant à voir aussi. Ouais. Quand tu vois un Shabba qui est sûr de lui en disant, non, mais lui, c'est sûr, il est machin et que toi, tu sais que non, ouais, ça, ouais. ça change un peu la dynamique et c'est assez marrant à voir. Donc, si tu sais un peu ça, c'est cool dans les trucs des loups-garous. Oui. Ils vont jamais le faire, comme ça te pousse à regarder l'épisode deux fois. Bah ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Oui. Les garous, d'ailleurs, on dit plus les loups-garous. Les garous. On dit ouais. les garous. Ouais, ouais. Ils vont changer, je crois. Là. Donc, c'est sur Canal+. C'est sur Canal+, c'est à raison de deux épisodes tous les vendredis. C'est ça, tout n'est pas dispo encore. Ouais, c'est, ouais, voilà. ouais, ce qui est okay. terrible. Mais. Ah, toi, t'aimes pas? Moi, j'aime bien maintenant que les séries. Non, maintenant que je le sais, ça va, mais la dernière fois, je me suis dit, oh, je vais m'installer, là, je vais me regarder un petit loup-garou. Non! Pas du tout, c'est la semaine prochaine. J'étais un peu frustré sur le moment. Mais ah, parce qu'il y a un peu des équipes, et moi j'aime bien que maintenant il n'y ait plus tout. Tu sais, les gens ils binge-watchaient avant. Enfin, toujours certains le font d'ailleurs. Mais là, moi je regarde Le Pingouin et j'aime bien avoir toute la semaine mon épisode ah, le pingouin, et, de c'est, pas, oui. ah, ouais. et de pas tout avoir d'un coup. Ça, ça moi, je regarde tout d'un coup là. Ah ouais, toi tu binge-watches. J'ai regardé Miskina saison 2 en une soirée. C'est ça. Et le lendemain, culte ah, en ouais. une soirée. On est malade en ce moment, Nathalie. On a le temps de se faire des petites. Ouais, petite forme. Ok, trop bien. Bon bah super les amis, bah c'est la fin de cet épisode. On fait un ciao. Dernier... Comment? Non, ah, je disais ciao. Je crois que vous voulez arrêter vite. Il y a toujours un petit ouais, tour de table. Eh oui, bah oui. Sébastien Vanitschek, Vermine en VOD absolument partout. Il va arriver sur Netflix dans pas si longtemps. Il arrive en mars sur Netflix et c'est ça, mars 2025. Et vendredi prochain, donc le 31. Donc celui qui arrive si vous ouais, écoutez c'est ça, le podcast. Une projection spéciale pour Halloween. Hein, je sais pas si vous avez remarqué quand même. Eh oui, bah, c'est bien malin. Ça, au pâté convention avec l'équipe du film et toi-même. Tu moi seras j'y serai là, également. Voilà, ouais. Avec petite. Petit échange à la fin, projection du making of ah voilà, tiens. Pour ceux qui viendront. Bah ça savait pas, c'est trop bien. Voilà, donc ouais. ça va être cool, ça va être marrant. Et puis après, bah ça. Et part, j'offre le popcorn à 3 personnes. Voilà, je le dis ici. Ouais, donc, venez, personnes. Franchement. Tu régales. Et après ça part pour Evil Dead quoi. Evil Dead, voilà, qu'on est en train d'écrire. On va pas trop en dire, mais voilà, ça écrit, oh là ça là écrit, là ça là se passe bien. On est très content. Natalia Jarechko, Twitch. J'embrasse mes nachos. Ah, bien sûr, les nachos de Twitch, qui, évidemment. Qui oh, les nachos. Oh, les nachos. J'ai craché là, c'est terrible, pardon. Sur Twitch à fond. Oui, voilà. Voilà, et si, je t'ai vu au cinéma récemment, je suis allé au cinéma. Ah, je t'ai oui, aperçu, vrai. Elle a un petit rôle dans Challenger, celle-là, on en parlait la semaine dernière. Alors. Elle a un petit rôle avec Soso. Je joue sa cousine. C'est la cousine à Soso. Voilà. On va venir mieux. Ce qui est très drôle, c'est qu'on s'est pointé à l'avant-première habillé quasiment de la même manière. Tu es très chic dans ce film. Je te permets. Quand je t'ai vu, j'ai vu le look, j'ai fait, elle est chic, la Natoche. Ouais. Je l'ai dit comme ça. J'ai les lolos bien remontés. Voilà. Les beaufs. Les lolos de la Natoche. Les lolos de la cousine à Soso. Une t'as chanson dit... paillarde que j'ai envie d'écrire malheureusement, mais oui. Voilà. Oh, un suno. Adrien Méniel. Oui. La bonne auberge, c'est passé au moment. Non, le 31 octobre. Oui, c'est la semaine d'Halloween. Oui, oui. Et bah, il reste sans doute des places au moment où donc là, achetez-les vite. Voilà. Après, fatalement, si vous n'avez pas suivi la bonne auberge, n'achetez pas les places parce que vous allez rien comprendre vu que c'est le dernier épisode qui met fin à 4 saisons. Oui, parce qu'en fait, là, si vous écoutez l'épisode, c'est cette semaine, parce que c'est le 2 novembre. Tout à fait. Donc, la bonne auberge, l'épisode final qui arrive lourd, au Grand Rex. Les places sont en vente. Allez sur la bonne auberge JDR sur Insta pour avoir toutes les infos. Et quant à moi, ça écrit toujours, notamment sur Hot Ones. Il y a l'épisode avec Gilles Lelouch qui est sorti, sur lequel j'ai écrit. Et puis les autres, tout ça. Et puis des trucs dont je peux pas parler. Puis ça va tourner bientôt. Je peux pas... Allez, oui, c'est vrai que tu joues dans quelque chose qui arrive. Ouais, petit truc, je peux pas dire. Le Fincher, là. Ouais. C'est ça, ouais. Non, rassure-toi. Ça, c'est ma blague préférée quand les gens disent ah ouais, tu joues dans un truc hyper stylé. Tu fais ouais, non, bien sûr que non. Il y avait un mec qui avait fait ça à l'avant-première de Nous les Leroy, où il avait fait une blague genre ah, c'est un grand acteur très connu et tout. J'ai fait ouais, la blague c'est qu'en fait non, c'est ça. Tu t'emmerdes. Bon, merci tout le monde en tout cas. Salut, ciao. Oh là. Un esprit. Il fait tomber un les bruits. Merde. Je vais ouvrir la porte. Je suis un chat et je te connais, tu t'appelles Pedro. Il s'agissait du flot de cast. Pardon.